amoureusement parlant. Amandine ? Je te pose une question. Ah, Amandine est passée sous un tunnel. Elle Amandine a un date. Elle a un date, ouais. Ah non, Amandine, tu nous fais pas le coup du date, hein ? Ah, mais là, on l'a perdue. Je la repasse au standard, peut-être qu'ils vont la récupérer. Oui, Flo. Bon, moi aussi, j'ai un mensonge à vous avouer. Quoi ? Bon, vous savez que ma meuf est enceinte. Ah oui. Bon. Ah, je sais le mensonge. Non, non, non, tu sais pas. Eh ben, en fait, je lui ai fait croire que c'était moi le père alors que je suis stérile. Et elle y croit. Oh, elle conne. Oh, la teubée. Oh, elle est con, celle-là. Eh. Il est malin, lui. Franchement, t'es trop fort. Eh, t'as vu ? Oh, il est génial, ça. Ça fait 9 mois que je le tiens. Je vais regarder si on a récupéré Amandine. Amandine ? Oui. Ah. Ouais, excuse-nous. Enfin non, c'est toi, excuse-toi. Excuse-moi. Elle t'a dit ça. Tu t'excuses. Non mais on t'avait perdu. Mais non, d'ailleurs, c'est toi, excuse-toi. Et la question d'Anso, c'est est-ce que tout va bien maintenant amoureusement? Bah, amoureusement, oui, tout va bien. Et avec ta meilleure amie, elle l'a su ou pas? Ouais, elle l'a su, elle m'en a voulu pendant plusieurs, enfin pendant quelques temps, mais ouais. Après elle a compris parce que du coup ça lui est arrivé aussi et elle s'est pas gênée de me planter à une soirée. Ah, voilà la meilleure amie. Bon, écoute, zéro partout, la balle au centre. Voilà. C'est exactement ça. Par contre, t'essaies pas excusé. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je t'ai abusé. Non, mais Amandine, mon chat, je pense que t'as un réseau un peu difficile. Tu trifouilles. On t'embrasse très, très fort. Embrasse aussi ton amoureux et ta meilleure amie pour nous. D'accord, Amandine ? Pas de soucis, gros bisous, je vous adore. Bisous, Amandine, envoyez. Ouais. Et alors, on n'aura pas le temps, malheureusement, parce qu'il faut qu'on offre le smartphone et l'équipe de Loïne Fun arrive, mais il y a Bastien qui a appelé. Une histoire de dingue, faudra qu'on le prenne un jour. Il a vécu 6 mois avec une fille en mentant sur son prénom. Oh. C'est-à-dire qu'il se faisait appeler David parce qu'apparemment il y avait un blocage. Si. L'ex de cette fille s'appelait Bastien aussi. Donc au début il lui a dit je m'appelle David. Il est jamais sorti de ce mensonge. Ah, c'est chaud. Sur les réseaux et tout, il s'est débrouillé. N'importe. Le mec s'est fait appeler David pendant 6 mois alors qu'il s'appelait Bastien. C'est dingue. Bah non, mais surtout c'est mentir sur un truc comme ça, c'est vraiment complètement con. Mais surtout, il devait répondre à chaque fois qu'il devait au resto. Il entendait Bastien, il devait faire « Oui !» Ouais, bah, on t'embrasse en tout cas, mon chat. Mais franchement, c'est courageux d'avoir réussi à tenir aussi longtemps. 21h57 sur Fun Radio. Il est l'heure d'offrir le OnePlus 6T. Allez. Le smartphone dont tout le monde rêve, donc, que tout le monde attend. Eh bien, nous allons appeler quelque part quelqu'un qui ne s'y attend pas. Et pourtant, sa vie va changer. Ouais, et c'est grâce au Salon Geeks Live qu'on vous offre ça, puisque ça aura lieu ce samedi à Paris. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est un gros kiff pour découvrir toutes les nouveautés high-tech. Allez, allez. On appelle. C'est toujours un moment un peu stressant, haletant. Ça va décrocher ou ça ne va pas décrocher? C'est ça la question qu'on se pose, c'est vrai, hein? Oui. J'en parlais encore avec ma boulangère, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure. Oula. Oui, allô? Allô? Allô? Bonsoir. C'est papy. Elle se lit sur les demi, quoi. C'est pas possible. Excuse-moi de pervers. C'est papy. Tu t'appelles Aude? Ouais, c'est moi. Bon, Aude, tu l'auras compris, c'est Marion et Anso. Tu es en direct sur Fun Radio. Oh, merci. Bah, on n'a rien dit encore, hein. Attention, Aude, hein. Déjà, les formalités. Oui. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que la journée a été bonne? C'est un honneur. Pardon. Alors, rien que de vous avoir, parce que je vous kiffe. Voilà, déjà. C'est une bonne réponse. Est-ce que tu t'es inscrit tout à l'heure dans l'émission pour tenter de gagner ton smartphone? J'ai galéré pour m'inscrire, donc oui, je l'ai fait. Oh, pourtant, c'est simple, hein, faut juste appeler, dis donc. Hein. Eh bien, écoute, Aude. Ah ouais, c'est très pris, hein, quand vous parlez de choses très intéressantes, donc très souvent. Ah, t'es très mignonne. Eh bien, Aude, le karma te récompense ce soir, car tu gagnes ton smartphone OnePlus 6T. Yeah. Et je pense qu'il était temps, vu son réseau. Ouais, c'est ça, c'est l'embouchure. Je vais te dire un peu, au milieu de champs, j'ai un casier, mais j'ai un téléphone tout pourri. Bon, et ben on t'envoie le tout nouveau téléphone à la maison très très vite, ma chérie, d'accord? Merci beaucoup, merci les filles. Et on t'embrasse très fort, Aude. Merci, moi aussi je vous embrasse très fort et continuez comme ça, vous êtes au top. Hein. Oh bah c'est toi, continue. Bisous, petite femme, pas de centre nous. Bisous. Hein. Enfin. À bientôt. Oh ouais, vraiment un brin de femme très sympathique, cette Aude. On va accueillir l'équipe de Love In Fun et alors moi j'ai très envie de parler avec eux de notre grand sujet ce soir. Bonsoir Karel, Alice et Doc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Quel est ce grand sujet dont nous allons parler? On a partagé nos pires mensonges. Est-ce que vous êtes des petits menteurs, vous tous? Est-ce que ça vous arrive même de vous mentir entre vous comme ça, là, Karel? Comment ça se passe dans l'équipe de Love In Fun? Franchement, non. Je pense justement qu'on. Ah, c'est. Je suis désolé. Hein, j'ai. Non, je pense qu'on se ment pas beaucoup, quoi. Enfin, peut-être que moi, on me ment, mais moi, je ne mens pas aux autres. C'est tellement un bon menteur, lui, qu'en fait, il admettra jamais qu'il ment. C'est vrai, c'est un bon menteur. Non, mais bien sûr, là, il ment. Il est en train de mentir, en fait. Absolument. Absolument. Vous n'y avez vu que du feu. Je suis en train de mentir depuis tout à l'heure. Mais tu es un véritable magicien. Absolument. On peut le dire. Non, mais c'est vrai, Doc, par contre, lui ment beaucoup. Non. Il a rien dit. Je suis pas médecin, déjà. T'imagines, au bout de quelques mois, en fait, le mec n'était pas médecin. Ah, ce serait génial, franchement. Ah ouais, là c'est vrai qu'on n'a jamais vu le diplôme de Doc. Et ça se trouve, il est pâtissier, le gars. Ah, ce serait formidable. C'est ça. Bon, et ben, en attendant de découvrir le vrai métier de Doc, vous pouvez les suivre jusqu'à minuit en direct pour la dernière de la semaine aussi. Amusez-vous bien, les chatons. Hein. Merci beaucoup. Merci. Et ce soir, on va parler de ASMR. Alors moi, moi j'adore. Enfin, ça m'angoisse en fait. C'est horrible. Hein. Ah ouais, ouf. Ah ouais, c'est horrible. Non. En fait, c'est les bruits de bouche qui m'angoissent. Ouais. Ça me détend pas du tout. Justement, ouais, moi c'est pas. Ça, c'est Doc qui fait un cunnilingus à Anso en ce moment. Non, pardon. Ça marche pas. Non, mais c'est vrai qu'il y en a que ça énerve et puis il y en a qui adorent ça et ça fait des millions de vues sur YouTube. Ça les détend, ça les aide à s'endormir. On en parlera ce soir. Ça les excite aussi. Aussi, ouais. Il y en a qui se. J'imagine que ce bruit était une imitation. On vous embrasse très fort et on se retrouvera dimanche en direct des 20h. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Et très content d'être avec vous, j'ai tout cassé. Ah, excusez-moi, mais j'ai tout cassé là. Voilà, mais qu'est-ce que t'as fait encore? Le chargeur de téléphone, on a en fait un truc multiprise pour charger les téléphones. Le truc est tombé, il est cassé. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse auprès de la direction de Fun Radio. On s'installe tranquillement. J'espère que vous allez bien. On est jeudi soir et c'est déjà la dernière de la semaine. C'est passé super vite. Hein. Franchement, je vais vous le dire franchement et très sincèrement. Hein, on disait que je mentais là juste avant. Là, je ne vais pas mentir et je vous le jure. Ok. Franchement, merci beaucoup d'être avec nous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission. Et ça tombe bien, parce que si vous n'étiez pas là, eh bien nous non plus. Eh ben oui. Nous ne serions pas là. Eh bien sûr. Dis donc. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'était pas à la radio tous les soirs entre 22h et minuit? Mais qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Non, mais vraiment, merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs. Vous êtes peut-être à la maison, là, dans votre chambre. Il y en a qui sont au boulot, qui bossent en ce moment. Bon courage d'ailleurs à vous tous. Il y en a qui sont tranquillement avec leur mec, leur nana. Il y en a qui jouent à Call of Duty, hein, y en a qui s'éclatent sur Fortnite, il y en a plein qui nous écoutent aussi dans d'autres pays que la France. C'est vrai qu'on nous écoute partout dans le monde entier, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des petits messages, on adore savoir ce que vous faites justement en écoutant l'émission. Ce soir, une nouvelle fois, on va faire de la libre antenne au 01 42 48 5000 où vous êtes tous les bienvenus. Je vous présente toute l'équipe, car oui, c'est toute une équipe qui vous accompagne tous les soirs sur Fun Radio. Je m'appelle Karel. Doc est avec nous. Bonsoir. Enfin, Doc, on ne sait pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ri tout à l'heure? On a regardé la vidéo, d'ailleurs, qu'on vous a postée sur le YouTube de Love in Fun. C'était une vidéo où, en fait, on parlait avec vous tous, vous toutes, des vidéos choquantes, des vidéos porno choquantes qu'on avait vues quand on était plus petit. Ouais, oui. Et alors, on va pas redire ce que Doc avait dit. Parce qu'il faut voir la vidéo. Ouais. Mais Doc, à la fin de la vidéo, il tue le game. Il tue le game. Et en détente. Ah, le mec, il te lâche une punchline de mort et il est tranquille. Allez mater ça, YouTube, Love in Fun. Vous activez bien les notifications, activez la cloche, bien sûr. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alice, je la vois déjà sur son ordinateur, sur les réseaux sociaux, oui, le exactement. Facebook, je suis en train de me connecter. connecter et je vais justement vous repartager cette vidéo YouTube. Donc rendez-vous sur le Facebook de Love in Fun pour aller cliquer sur cette petite vidéo qui est très sympa. Absolument, n'hésitez pas. Kassim est là, bien sûr. Bonsoir Kassim. Toujours là, ouais. Ça va ? Bah ouais, très bien. Je suis à la cool, là, je vous regarde, vous êtes beau, là. Alors, on peut pas te retourner le compliment, étant donné que t'as mis le t-shirt qu'on déteste le plus. Mais il est stylé, ce t-shirt. Non. Marinière fleurie. Rétréci, là, Kassim. Ouais. Bah, je le lave. Ah oui. Ah, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette émission, Alice nous donne des conseils pour faire de belles machines à laver. Bah surtout, dites pas ça, parce que quand on voit comment vous êtes sapé, je veux pas qu'on pense que ça vient de moi. Hein. Donc, oui, j'essaye. J'essaye de vous donner des conseils, c'est vrai. Voilà, si mais vous avez. Ouais. Des fois, vous arrivez à la radio et je tire sur votre t-shirt pour le rendre un peu plus long. C'est ça vrai. M'arrive assez régulièrement comme ça. C'est choquant. C'est un petit peu notre mère à tous ici, Alice. Coco, attention! C'est une belle soirée pour Coco ce soir, puisque oui, il y aura le zap de Coco ce soir. Ça va, Coco ? Ça va. Depuis que tu parles comme ça, ça va super bien pour moi. Eh ben, tu sais quoi ? Ce soir, une nouvelle fois, on appellera ton papa après ton zap de Coco pour savoir si t'as fait un bon zap. Bah, ce sera de la merde, c'est sûr. Non, il faut pas partir des fétiches, Coco. Je ne pars pas des fétiches, je pars réaliste. Ton père, la semaine dernière, avait dit que tu t'étais amélioré. Oh, il a pas dit ça comme ça. Voilà, il a dit c'est moins de la merde que la semaine dernière. Exactement. Voilà. Ce sera ce soir dans l'émission Le Zap de Coco, où Coco revient sur une semaine d'émission et on se part bien avec ça. C'est ça. Ouais. Et Karel, fais gaffe. Je sais pas si tu vas tant te marrer que ça. Oh là, attention à l'attaque. Et Méloche au standard, ça va, Méloche ? Bonsoir, ça va et vous ? Alors Méloche a pris le contrôle de Snapchat. Oh, et oui. Ça y est, t'as posté ta première vidéo ? J'ai posté ma première vidéo. Ah, n'hésitez pas à la voir, c'est une première. C'est une première, n'est-ce pas, hein ? Salut les copains ! Hello les kids ! Hello les kids ! Merci de me balayer, c'est sympa. Oh, non, mais Méloche, elle pense que nos éditeurs ont 9 ans. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Et Méloche, je le rappelle, n'a pas fait l'amour depuis un certain nombre de temps. Ça fait combien de jours, Méloche ? Vous allez être choqués, mais moi j'étais choquée en calculant 539 jours. Wow. 539 jours ! C'est même moi en calculant le nombre de jours, j'étais choquée quoi. Voilà, c'est trop. On va faire comme en Angleterre, tu sais où ils font des paris. Hein, ils font des paris sur la naissance de l'enfant, tout ça. On va faire des paris sur quand Méloche va faire l'amour. Et on va lancer ça, on va faire un pari comme ça. Oui, Alice ? Je viens d'apprendre un truc qui vient de tomber là. Kassim apparemment a une vidéo de Méloche qui est en train de galérer en train de faire sa première vidéo Snapchat. Je vais la récupérer et la poster de ce pas sur le Facebook de l'émission. Et elle galère, hein. Mais ce serait génial d'avoir le son. On va se débrouiller pour vous le faire écouter, vous qui n'avez pas là le Facebook de connecter. On va le récupérer. Oui, non, mais ici, je te l'ai dit, Méloche, on partage tout. On partage tout. On dit tout aux auditeurs. Et Maxime est avec nous, 19 ans de Paris. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, salut toute l'équipe. Salut. Maxime, 19 ans, c'est ça ? Exact. Tu fais quoi dans la vie, Maxime ? Je suis à la recherche d'une entreprise pour de l'alternance en tant que DJ. En tant que DJ, tu veux... d'accord, mais... Alternance DJ ? Tu cherches une boîte, en fait, non ? Oui, exact. Mais c'est la première fois que j'entends un DJ me dire « je cherche un boulot en alternance ». Tu cherches un endroit pour mixer, quoi, Maxime ? Ouais, pour l'alternance par rapport à une école. D'accord, ok. Eh ben, on te souhaite en tout cas de trouver. Tu sais que t'es sur Fun Radio, donc si jamais t'as une petite annonce à passer, n'oublie pas qu'à la fin de l'émission, on te donnera l'antenne rien qu'à toi. D'accord, Maxime ? Ouais, ça marche. Merci. Tu choisis la musique, Maxime. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Un petit taki-taki. Taki-taki. Ça marche bien dans les clubs, hein, déjà. DJ Snake, c'est le nouveau avec Selena Gomez. Dans l'émission, on écoutera aussi Lude. Ça, c'est le coup de cœur d'Alice. Ah oui. Avec Missing You. Basada. Ça, c'est mon kiff. J'adore. This is the life. Ah, et Doc s'imagine déjà en train de s'ambiancer dans tous les clubs parisiens ce week-end, à danser et onduler son corps au rythme des Basada. C'est de la musique que t'écoutes, ça, Doc ? Je peux l'entendre. Non, mais attends, tu sais quoi ? Ici, tu dis ce que tu veux, Doc. Oui, non, mais ça m'arrive effectivement de tomber dessus et puis de l'écouter. Ouais. D'accord, bon, ok. Ça fera plaisir à Basada, on ne l'appellera pas pour lui. je te le dis tout de suite. On va accueillir Elliot qui est avec nous, 18 ans de Paris. Bonsoir, Elliot. Ouais, salut Karen, salut Ali, salut le doc, salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir à toi Elliot. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du coming out. C'est ça. Eh hein oui, il paraît, ouais. Ouais, c'est ça. Il paraît, c'est pour ça qu'on a un petit message justement aujourd'hui sur le Facebook. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui veulent peut-être faire un jour leur coming out, savent pas comment s'y prendre. Et on a lancé un petit appel justement à tous ceux qui sont branchés de l'autre côté et pour nous dire si vous l'avez déjà fait, comment est-ce que ça s'est passé. Parce que franchement, c'est pas un moment forcément évident, surtout quand tu annonces ça à tes parents. Hein, plus qu'à tes proches qui généralement peuvent le comprendre. Elliot, tu es homosexuel ? Ouais. Enfin, moi, ça fait depuis quelques années que je me rends compte déjà, et j'aimerais bien faire mon coming out. En fait, j'en ai marre de me cacher, et du coup, j'aimerais bien avoir des conseils. Ah bah justement, voilà. Et donc toi, tu l'as jamais annoncé à qui que ce soit ? Non, jamais, non. J'ai toujours gardé pour moi jusqu'à présent. Peut-être expliquer. Même des amis ? Ouais, même des amis, ouais. En fait, je sais pas comment ils vont réagir. J'ai vraiment peur de leur réaction. Donc, vraiment, je l'ai dit à vraiment personne. Personne ne sait. Et alors, moi, franchement, je te dis ce que je pense, hein, du coming out. Je comprends, hein, que, voilà, il y en a qui fassent leur coming out. Mais, à un moment donné, pourquoi tu dois, dire qui tu es, quoi, tu vois? Pourquoi est-ce que tu dois parler de ton orientation sexuelle, quoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le faire quelque part? Je sais pas, c'est... Parfois parce que t'es dans une ambiance que tu sais ne pas être très ouverte et pas très à l'écoute. Effectivement, je crois que il y a tout un tas de jeunes qui le font de manière très simple. Ah, au fait, bon, voilà. Ou alors qui parlent de leur petit copain la première fois. Et puis ça passe tout seul parce que les parents sont très ouverts. Mais ouais, quand tu sais que l'ambiance parentale risque d'être un peu difficile, coincée, etc., bah, ça devient presque une pression intérieure de devoir leur dire. Justement, ça se passe comment, toi, Elliot, avec ta famille, tes amis? Parce que la plupart du temps, franchement, ils s'en doutent un peu, non? Ouais, non, je sais pas, parce que franchement, je me débrouille pour cacher très bien mon jeu, donc je sais vraiment pas s'ils s'en rendent compte. Mais en tout cas, je pense qu'avec mon père, ça va poser problème. En tout cas, je sais pas comment ça se passe, mais il me fait souvent un peu des blagues, il fait homophobe ou quoi, donc je sais pas du tout comment ça va se passer avec mon père, et c'est la personne avec qui j'apprends le plus. Puis bien évidemment mes potes, parce que j'ai pas envie de les perdre, et puis si je leur dis ça d'un coup, ça peut leur faire un choc ou quoi. Tu vas faire du tri surtout dans tes amis, quoi. Je veux dire, les vrais potes te quittent pas parce que t'as une sexualité qui est, enfin, d'être attiré par les hommes, quoi. C'est ça. Ça va te permettre de voir qui c'est qui est cool, qui c'est qui va être encore avec toi, qui c'est qui va être ami avec toi, qui s'entend bien, qu'on n'a rien à faire. Et puis voilà, et puis ceux à qui ça ne va pas, eh bien tant pis pour eux. Alors bien sûr, tu vas peut-être les perdre, mais bon. Ah bien sûr. Le plus important, c'est d'être entouré de gens qui sont en phase avec toi. S'il y a des gens vraiment que ça rebute complètement, c'est inconcevable pour eux, bah qu'ils s'en aillent. Alice, alors évidemment, les parents, c'est un peu plus compliqué. Alice, tu comprends, toi, le fait de faire un coming out, de devoir se justifier sur sa sexualité quelque part? Bah, en fait, c'est pas vraiment, je pense, devoir se justifier. Je comprends qu'on ait besoin d'en parler pour qu'on ait la sensation que, bah, finalement, voilà, je suis peut-être pas la personne que vous imaginez. Voilà, apprenez à me connaître. J'ai envie de montrer qui je suis. Mais après, de devoir avoir cette sensation d'être obligé d'annoncer quelque chose, parce que même le mot coming out, je trouve, ça fait vraiment genre, c'est l'annonce d'un truc, comme si les hétéros étaient obligés d'annoncer, bon, bah, voilà, je voulais vous dire, j'aime les filles, j'aime les hommes, comme si finalement c'était pas dans la normalité. Donc c'est ce côté-là avec lequel j'ai un peu de mal, mais je trouve ça normal qu'on ait envie d'en parler, tu vois. Comme quand tu flirtes avec un mec et que t'es une fille, t'as envie de raconter, ah bah il se passe ça avec tel mec, et ben quand t'es un mec et que tu flirtes avec un autre mec, bah t'as aussi envie de le raconter, quoi. Ouais, complètement. Après, le point où je te rejoins, Alice, c'est que là vraiment c'est pas vraiment un sentiment d'avoir besoin de me justifier, c'est juste d'assumer, en fait. Enfin, oui, c'est ça. Je pense que les personnes qui assument, elles arrivent à trouver d'autres personnes, des compagnons ou quoi, plus bien facilement, sûr. En fait. Ah, mais c'est clair, de toute façon. T'as besoin de ça. Et t'as besoin de que tes amis te connaissent vraiment jusqu'à ce point-là. Peut-être que tu vis avec la sensation de cacher un petit truc aux autres. Et c'est pour ça qu'on a envie de le dire. Voilà, ouais, voilà. Enfin, franchement, c'est un poids qui pèse. Moi, depuis, ça fait quoi? Là, j'ai 18 ans. Depuis, ça fait 13-14 ans que je m'en rends compte petit à petit. Et c'est vraiment un poids qui pèse, parce que sur la vie de tous les jours, du coup, je suis obligé de dire des choses que je pense pas, ou de me restreindre, ou de, enfin, certaines choses qui me font pas forcément plaisir, quoi. Oui, tu parles pas de toi. Tu parles pas de toi comme tu es. Tu peux pas parler de toi librement, exactement. De tes émotions, de tes ressentis, etc. Tu te caches. Ouais, exactement. Et donc il y a un moment donné où, à force de se cacher, bah oui, on a envie de sortir du placard, puisque c'était ça le coming out, c'était sortir du placard. Absolument. Alors ce qu'on va faire, Elliot, c'est qu'on va lancer justement un petit appel à tous ceux qui nous écoutent là. Si vous avez des conseils à donner à Elliot, franchement, je pense que tous ceux qui ont vécu ça auront envie d'aider Elliot, parce qu'ils ont vécu justement cette situation d'angoisse à l'idée d'annoncer le truc. 01 42 48 5000. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, le Facebook de l'émission. Elliot. Yes. Elliot, dans un instant, beaucoup beaucoup de réactions pour toi et puis du son. Est-ce que ça te ferait plaisir un petit Dinoro ce soir? Ah bah carrément. Ça tombe bien. Pas Dinoro. Ah bah voilà. Et c'est le tube qui passe le plus en ce moment sur Fun Radio, tellement on kiffe. Dinoro, Gigi D'Agostino. Aïe aïe aïe. A tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Le principe du buzz-moi tendrement vaché. C'est un jeu où je vous donne un thème et vous devez donner un exemple. Insulte avec un animal. Christina. T'as des pattes d'araignée. Et moi j'en peux plus. Vous imaginez Christina en voiture. Mais dégage de là. T'as des pattes d'araignée. Mais qu'est-ce qu'il a derrière? Il va se calmer la sauterelle. Dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. On n'a pas tous les jours 20 ans. Alors chez Cdiscount, on a décidé de propulser des offres dingues tous les jours. Tenez-vous prêts. Aujourd'hui seulement, le lave-linge frontal Indesit Eco 6 kg est à 169,99€ au lieu de 219,99€. Vous me recevez 169,99€. Avec une offre aussi astronomique, c'est tout l'univers qui va vouloir en profiter. Alors prévenez-les tous. Cdiscount, 20 ans. Et rendez-vous demain pour de nouvelles offres. Cdiscount, n'économisez pas votre plaisir. Offre valable ce jour dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions sur cdiscount.com. Fun Radio. Fun Radio et l'association Tremplin Blaise Matuidi présentent les Tremplins Live Acte 2. 3 heures de show inédit. Le lundi 29 octobre au Cabaret Sauvage à Paris. Avec sur scène VG Dream, Franglish, Neige, Dajou et la présence exceptionnelle du champion du monde Blaise Matuidi. Réservez dès maintenant votre place dans les points de vente habituels et sur funradio.fr. Les Tremplins Live Acte 2, en association avec SM Conseil et MS Angels Productions. Lundi 29 octobre à 19h. C'est avec Fun Radio. De 22h à minuit. Lovin Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. C'est Lovin Fun, c'est tous les soirs sur Fun Radio. D'ailleurs, ce soir, on va parler de préliminaires. Oui. Dites-nous si vous kiffez les préliminaires. Qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer comme préliminaire? 01 42 48 5000. Réagissez. En plus, ce soir, on vous offre des sextoys Lelo. Voici Dinoro sur Fun Radio. This is what we're waiting for. And I- avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. On est en direct tous les soirs sur Fun Radio du dimanche au jeudi. On est filmé sur le site de Fun, funradio.fr. N'hésitez pas, en streaming, hein, tous les soirs, on fait l'émission en direct avec vous tous, vous toutes. On parle de coming out. On parlera de préliminaires aussi tout à l'heure. Alors, on veut un maximum de réactions. En plus, on va vous régaler avec des sextoys Lelo. Pour tous ceux qui vont réagir, après, c'est pas parce que vous réagissez que vous avez forcément le sextoy. Si vous n'en voulez pas, hein, vous ne le prenez pas, les amis. Mais hein. Vous pouvez toujours l'offrir, c'est un cadeau sympa. Joie de recevoir. Moi, je pense qu'il faut quand même l'accepter. Parce qu'on dit toujours, oui, les sextoys, mais on n'a pas essayé les sextoys, Lelo. Et quand on commence à déballer et qu'on voit ce beau petit paquet qui donne envie, qu'on le touche, peau de pêche, eh ben, ça donne forcément envie de le fourrer quelque part. Alice, j'ai déjà eu la chance d'aller chez Alice. Ah, ouais. Et ce jour-là, elle m'a montré sa boîte magique. Ouais, enfin, maintenant, c'est une armoire. Alors, c'est vrai que depuis, sa petite boîte est devenue une armoire. Imaginez. Oui. Une petite armoire fermée à clé, vous ouvrez, et là, magie, vous voyez tous les sextoys Lelo offerts depuis 1956 dans la Vin Fun sur Fun Radio, qui sont c'est alignés, ça. Avec des différentes tailles, ouais, différentes sensations. Je vais m'en faire sensations. Une cheminée, je pense, parce que je trouve ça assez, très sympa d'avoir, tu sais, tous les godes avec les différentes tailles, les différentes couleurs, les différentes formes comme ça exposées sur la cheminée. Vraiment, c'est ouais, sympa, quoi. Moi, j'adorerais que tu fasses des photos, genre en selfie, avec le sextoy près de ta joue. Ah oui, bah je fais un boomerang où je le frotte comme un boubou. Bon, en attendant, ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. On ne dit que la vérité. On parle. D'ailleurs, j'aimerais bien aller chez Doc là bientôt. Je suis persuadé qu'il est l'armoire aussi, Doc. Hein. Non, elle n'est pas aussi grande que celle-là. Non, parce que, il n'y a pas de clé, quoi. Non, parce que, alors, ça, il faut qu'on en parle. C'est vrai que, voilà. On a observé une disparition de sextoy, Doc, depuis ton arrivée. Ouais, c'est voilà. Louche. Hein. Cause et effet. Tu les revends. Bon, bah, écoute, bon courage. Mais sérieusement, Doc. Tu nous as volé des sextoys ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, non, mais attends, Doc, t'es sexologue, on aurait pu comprendre et tout, machin. Non, mais on te voit partir avec une valise des fois, Doc. Ça va. On va retrouver Elliot. Elliot, 18 ans de Paris. Bonsoir, Elliot. Ouais, ce jour-là, ça va. Alors, Elliot nous a annoncé qu'il était homosexuel. Aujourd'hui, on parle de coming out, puisque tu veux des conseils justement pour faire ton coming out. Tu nous as dit que ça pouvait mal se passer avec ton père, qui était plutôt tendu sur le sujet, ouais. À faire des blagues. Ah, on n'est pas des PD. Hein, ben voilà quoi. Hein, c'est Alain. Ça, ouais. C'est Alain, 23 ans d'Épinal, qui nous a appelé pour réagir. Salut Alain. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut. Bon, bonsoir Alain. Le coming out, annoncer à sa famille, à ses amis, qu'on est de l'autre côté de la rivière. Est-ce que tu l'as fait, toi? Ouais, et puis c'est la merde. Bah, c'est la merde dans le sens où t'es fin stressé. Et puis, quand j'entends Elliot sur son histoire, c'est tout moi. C'est vrai, c'était moi avant de faire mon coming out. Donc je suis passé par là, c'est pour ça que je vous appelle pour donner des conseils à Elliot. Bravo Alain, on t'écoute, vas-y, comment ça s'est passé, raconte-nous ton histoire, ton expérience. Eh ben alors avant mon coming out, j'étais comme tout le monde entre guillemets, je me cachais pour faire l'hétéro tout, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un et que tout on se plaisait tout et que j'ai décidé de m'affirmer tel que j'étais, non comme on veut qu'on soit, parce que c'est surtout ça en fait, les gens nous stigmatisent avec les hétéros machin. Et je voulais annoncer à ma famille et puis mes amis que j'étais homo et que je voulais m'assumer comme je suis. Donc j'ai réfléchi et j'ai fait une lettre avec la photo de mon copain en disant j'ai une question à poser. Non, pas à poil. Il était habillé. Je l'ai vu à poil. La qui était à la main. Allez hop là. Pardon. Non, il y avait la photo et puis j'ai demandé ce qu'ils le connaissaient. Donc bien sûr eux non on le connaît pas. Et j'ai dit il s'appelle comme ça et puis il a tel âge, je l'ai présenté, il partage mon bonheur. J'ai expliqué que j'étais heureux avec lui, que je voulais pas être jugé, mais juste qu'on veut être heureux avec nos amis, nos familles. Donc la lettre est passée, toute ma famille l'a lue. Et puis des réactions différentes ont eu lieu. Des gens, on le savait. Des gens, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'as choisi? Donc à Elliot, surtout ce que je conseille, c'est de répondre franchement à toutes les questions qui peuvent être posées. Parce que c'est vrai que c'est on va être assassiné de questions de pourquoi t'aimes les mecs pas les filles, c'est beaucoup de questions comme ça, mais il faut répondre. Oui, et puis c'est des questions débiles parce qu'au final on peut pas trop y répondre, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est comme mon frère qui a été le, on va dire, le plus reculant dans l'histoire là, parce que lui c'est un peu un macho tout. Et il m'a posé des questions, t'es actif, t'es passif. J'ai dit, voilà, il y a des questions que tu peux répondre, mais il y a des questions où tu dis c'est mon intimité, tu vois. Et voilà, après, il faut t'affirmer comme t'es, tu vois. Moi, je suis sapeur-pompier et je cache pas à mes collègues que, voilà, je suis homo et que, voilà, dans toute la société évolue et que, de toute façon, t'auras toujours des remarques. De toute façon, quoi que, voilà, t'auras toujours des gens qui viendront te taquiner en bien ou en mal. Ça, c'est partout aussi. C'est clair. Alain. Voilà. Quand tes parents te demandent, bah, ou n'importe qui dans la famille, mais pourquoi tu l'es, tu répondais quoi à ça? Parce que c'est une question assez déstabilisante en général. Eh ben, en fait, tout simplement, il faut dire qu'aux gens, qu'on ne choisit pas d'être homo. On est comme ça. C'est pas un choix. Si on aurait voulu faire un choix, nous, les homos, et on a encore la preuve avec l'actualité à Paris, la France, pays des libertés, avec des agressions de couples homosexuels ou des jeunes homos, et on en a encore beaucoup parlé avec le refuge, dont je soutiens la SOS pour les jeunes gays, et puis lesbiennes, bien sûr, on voit encore trop de violences, trop de choses, et on choisirait la simplicité. On n'irait pas vers la complicité de dire « j'aime un mec » juste pour qu'on me critique, qu'on me tape ou voilà. Mais il faut pas regarder le négatif, il faut regarder le positif en disant que bah on a gagné des combats avec le mariage pour tous. On pourra peut-être gagner un jour le droit à la GPA. Et c'est en montrant qu'on est homo et qu'on se cache pas qu'on peut faire avancer les choses et changer les idées. C'est mon objectif, c'est ce soir. Si je vous appelle, c'est pour dire ça en fait. Les parents, ça s'est bien passé, père et mère? Alors ma mère, franchement, était contente, elle s'en foutait. Mon père, j'avais le cœur qui battait à 120 000, j'ai cru que j'allais faire un infarctus, que mes collègues allaient venir me réanimer. Et mon père m'a dit, non, il n'y a pas de souci, on a évolué niveau siècle. Et il a dit, il est bienvenu à la maison, comme j'accueille mes gendres, et voilà. Et, génial, et, alors que toi, t'avais peur. Franchement, j'avais peur que mon père... Bon, j'avais mon appart depuis 2 mois, donc j'étais rassuré par rapport à des jeunes qui sont foutus à la porte par leurs parents. Mais j'avais peur que mon père coupe coupe les ponts, tout. Et au contraire, j'ai vu qu'avec toute ma famille, où on était un peu tous distants, où voilà, il y avait un peu des histoires comme dans toute famille, mon coming out a vraiment ressoudé toute la famille. Super. C'est ce que je voulais dire à Elliot. Elliot, bon, tu as très peur pour ton père et c'est compréhensible. Mais parfois, c'est justement de ce côté-là que ça se passe bien. C'est parfois du père dont on a peur. Et puis, il fait, oh oui, bon, bah écoute, non, mais tu sais, il n'y a pas de souci. Et puis, parfois, c'est avec maman que c'est un peu plus compliqué. Ça, on peut jamais savoir. Tu peux pas vraiment savoir. On se fait des idées. C'est pas toujours ce qu'on croit. On va accueillir Atlan aussi, qui veut réagir. Ouais, vas-y, Elliot, tu voulais dire quoi? Non, j'allais dire, honnêtement, je veux pas dire des choses sans savoir, mais honnêtement, je vois pas ma mère me juger par rapport à ça, juste. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Atlan est avec nous. Bonsoir, Atlan. Ouais, salut les petits chats. Salut. Salut mon petit chaton. Minou, ça va, mon petit minou? Ça va et vous? Ouais, t'as 22 ans et t'es à Paris, Atlan. Ouais, exact. Ok, et le coming out, est-ce que c'est quelque chose que t'as vécu, toi? Ouais, c'est quelque chose que j'ai vécu pas forcément bien, dans le sens où je l'ai pas fait d'une manière simple, on va dire les choses comme ça. Moi, j'étais en boîte ce soir-là, et en fait, c'est revenu, tous mes amis le savaient d'avance. Oui, j'ai rien caché à mes amis. Et donc, ils m'ont dit, en fait, je pense que la meilleure façon, c'est que tu le dises vite, court, et voilà, et peu importe la façon dont tu le diras, voilà. Et donc, en fait, je suis rentré de boîte et j'ai carrément réveillé ma mère parce que je voulais le dire maintenant. Ouh, tout de suite. T'étais bourré, toi. Oh là là. Hein? Ouais. Ah, bah oui. Eh, maman, t'as un truc à dire. Oh, tu te réveilles. Allez, forcément. Du coup, j'ai réveillé ma mère à 6h du matin. Oh, et, et elle l'a très bien pris. Ah oui. Bah, elle dormait. Forcément. Surtout. Et alors, donc ta mère, elle l'a bien pris. Tu la réveilles. Elle a cru rêver. Elle l'a très bien pris. Ah, d'accord, bah, alors ça s'est bien passé. Ben ouais, mais après, du coup, j'aurais pu le faire d'une façon plus simple, voilà, éviter de la faire chier en pleine nuit, par exemple. Et mais, est-ce qu'elle t'a dit, je m'en doutais? Elle m'a dit, ça fait 2-3 ans que je m'en doute, mais je voulais que tu me le dises de toi-même. Ah oui, mais bien sûr. Je pensais à Elliot. Elliot, parfois, une des astuces que j'entends de la part des jeunes, c'est de le dire à la mère, par exemple, d'abord. Parce que tu vas en faire une alliée, et puis de discuter avec elle, bah, comment tu crois que je pourrais le dire, etc. Bon, ou parfois c'est la sœur, ou parfois c'est le frère. Bon, toi, a priori, de ce côté-là, ils savent pas non plus. Mais peut-être, puisque tu dis que ta mère, tu la vois pas du tout te juger, peut-être que tu peux en parler à elle d'abord. Oui, voilà, et puis comme disait, désolé, j'ai oublié ton prénom. Celui qui vient de parler, Atlan. Oui. Voilà, que, oui, bah, en gros, bah, les, je pense qu'au fond, les mamans, elles le sentent quand même, quoi. Enfin, moi, si je pourrais te, si je peux te donner un conseil, c'est dis-le à la personne avec laquelle tu es le plus proche. Que ça soit un parent, ou un frère, une sœur, un oncle, même un ami, une personne en qui tu as confiance, une personne où tu sais qu'elle va pas te juger, etc. Faut vraiment que tu sois en confiance. Mais après, moi, j'ai passé 3 ans comme toi à rien dire. Et en fait, le fait de le dire à tout le monde et de pas le cacher, ça te change la vie, en fait. Et on est en 2018, t'as pas le droit de te cacher et t'as le droit de vivre comme t'as envie, en fait. Absolument. Franchement, c'est vraiment super. Atlan, Alain, vous êtes tous les deux super cool. Est-ce que vous êtes d'accord pour peut-être continuer de discuter, voilà, avec Elliot, un petit peu en antenne, échanger vos numéros, pour échanger aussi vos expériences? Ouais, ouais, y a pas de souci. Peut-être aussi faire connaissance. et tu sais, Elliot, qu'il existe aussi des associations de jeunes gays. Ça peut toujours aider, hein, de parler avec d'autres, savoir comment ils ont fait. Bon, tu peux les trouver sur Internet, évidemment. Ça existait. Oui. Ok, ok. Le MAG. Il y a notamment le MAG. Celui-là, je m'en rappelle. Il y en a peut-être d'autres. Regarde sur Internet, tu trouveras. Ah, le refuge le aussi refuge. Dont parlait Alain. Ouais. Le refuge qui, justement, aide beaucoup, beaucoup les personnes qui sont homosexuelles et qui sont en difficulté, justement, parce que parfois ça se passe pas bien et les parents les mettent dehors et justement, le refuge s'occupe de les accueillir et de les aider, justement, à se construire. Ben, merci à tout le monde, en tout cas. Alain et Elliot, Atlan, vous allez pas quitter, vous allez vous échanger vos petits numéros de téléphone, d'accord? Ça marche, merci pour tout. Salut les potos. Salut. Ciao, ciao. Salut Elliot, salut Alain, salut Atlan. Salut. Et dans un instant, on va parler des préliminaires. Oui. Ah, putain, ça fait plaisir ça, Alice. On a reçu un message en fait, c'est la copine de Damien qui déteste les préliminaires. Donc Damien nous a écrit parce que du coup, en fait, il n'y a pas de préliminaires. C'est genre direct pénétration quand ils font l'amour parce qu'elle n'aime pas ça. Donc pour elle, les préliminaires, c'est juste quelques bisous et après, hop, ça y est, on s'emboîte quoi. Donc on va parler des préliminaires et surtout de ce que vous kiffez le plus là-dedans. Oh là, putain, mais Alice, là, quand on parle et tout, là. Je sais pas. Pourtant, j'ai dit ça s'emboîte. Pas dit ça s'enfile. Ah ben voilà, c'est encore mieux. Et Doc nous dira pourquoi c'est important de faire des préliminaires. De se chauffer. Tout a une fonction. Ça existe. Bien sûr, Langue de Velours est avec nous tous les soirs. Vous l'entendez, c'est Doc, bien sûr. 01 42 48 5000, ça c'est le numéro de téléphone pour nous appeler, réagir. Inscrivez-vous aussi pour l'examen. Tout à l'heure, un nouveau diplôme à gagner. Et en attendant, le son Dance Floor sur Fun Radio. Bassada, This is the Life, Love in Fun. The beach on the 405. Bikinis day and night, ray bands and clear blue skies. Summer is right on time. Hands up, we ain't holding on to nothing. Hands up, if we're feeling for something, I'm down. 'Cause we'll be on forever, yeah, we'll be on forever. This is the tattoos to remember why we belong together. Hanging on to my POI, jet ski going 55. We don't care, we do whatever. Bassada sur Fun Radio, This is Life. Tous les soirs, 22h minuit, du sexe, de l'amour et du fun. C'est Love in Fun sur Fun Radio. On a Maxime, notre auditeur du soir. On est sur Fun Radio, la radio du son dance floor. Maxime veut devenir DJ. Et il faut qu'on l'aide. Maxime, je rappelle que pour intégrer une école, c'est ça où tu vas apprendre ton métier, hein, de DJ. Exactement. Entre autres. Il te faut, c'est quoi? C'est un stage en entreprise, c'est ça? En fait, c'est une alternance sur 18 mois. Ouais. Et dans cette école, en fait, du coup, on apprend à mixer, à faire du design aussi pour les affiches, à réparer le matériel. Enfin, on apprend tout ce qui est utile. Ouais, tout ce qui t'aidera dans ta carrière, absolument. Et donc, pour ça, t'as besoin soit d'une boîte, soit dans l'événementiel, des soirées qui peuvent être organisées, qui ont besoin d'un DJ, quoi. C'est ça, Maxime? Exactement, même les restaurants, ambiance, enfin, tous les endroits où ils ont besoin d'un DJ. Bah, voilà, donc si quelqu'un, ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à nous appeler et on vous mettra en relation avec Maxime. En plus, il est à Paris, hein, donc dans la capitale, on peut bien trouver ça. 01 42 48 5000. Maxime, j'espère qu'avant la fin de l'émission, on aura peut-être des propositions pour toi, d'accord? Ah ouais, ça serait cool. Alors, en attendant, on va parler un petit peu de préliminaires, Maxime. Ça te chauffe, toi, les préliminaires? T'aimes bien ça, toi? Ah, j'adore ça. C'est vrai, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères faire des préliminaires ou recevoir un préliminaire? Faire. Ah, tu préfères faire quoi, par exemple? Oh ben, les bases, hein, on va dire. C'est quoi les bases du préliminaire? Cuny. Cuny. Pipe. Mais c'est... Ça peut être quoi d'autre, les préliminaires, à ton avis, Maxime? Bah, après, on a du doigtage, on a Du doigtage, tout à fait. Du doigtage, un doigt, deux doigts, trois doigts. Un point. Non. Pardon. Non, pardon. Non, mais j'ai vu ça, j'ai vu une vidéo qui m'a choqué, hein. Je vous assure. Bah oui. La personne avait un gant, mais quand même. Hein, non, mais bien sûr. Ben, c'est vrai. Maxime, effectivement, ce sont aussi, Doc, n'est-ce pas, les caresses? Bah oui, bien sûr, les bisous, ça commence par là, hein. Les bisous. Ce sont des préliminaires, ça sert à chauffer quand même. Bien sûr. Ça sert à exciter, les caresses, les câlins, les bisous de la tête aux pieds, voilà. Et puis après, il s'agit de varier aussi, c'est-à-dire qu'un bisou, c'est un bisou, mais on peut le faire de plein de manières différentes. Une caresse, c'est pareil, ça peut être appuyé, ça peut être léger, ça peut être soufflé, ça peut être... Et puis on peut s'amuser avec toutes les parties de son corps. Ah, on peut génial. Mordiller, ça peut on être peut... soufflé. C'est comment la caresse soufflée? Ah ouais, Doc, la caresse soufflée, explique-nous, Doc. Tu souffles pour que ça caresse? Oui, c'est ça. Ah, tu souffles par exemple dans la nuque de quelqu'un ou quoi que ce soit et ça lui fait... Oui, ah, tu, d'accord. Tu peux faire ça de la tête au pied. Et après, tu peux souffler chaud, tu peux souffler froid. Voilà, par exemple. Ah ouais, ah ouais, putain, une fois je me suis pris une vieille beigne par une nana juste parce que j'avais, tu sais, un petit peu soufflé dans l'oreille et ça lui a fait trop mal, quoi. Donc, ah oui, mais en même temps t'es maladroit, on dirait bien. Oui, non, mais voilà. Je lui ai soufflé dans l'oreille. Ah oui, mais j'essayais juste de lui provoquer un petit peu. Non, parce que tu sais, moi je trouve qu'il y a des gens très très très très sensibles de l'oreille. Bah c'est ça. Donc, parce que faut pas faire un bisou dans l'oreille. Moi, si on me touche le lobe de l'oreille, je bande direct. Ah ouais. Genre, ah ouais, par exemple. De toute façon, il y a beaucoup. Enfin, c'est quand même réputé, c'est connu. C'est une zone particulièrement. Oui, tu peux même avoir des orgasmes alors que c'est directement lié à l'oreille. Ah ouais, ouais. C'est très proche du cerveau. Putain, branlez-moi l'oreille. Branle-moi quelque chose. Branle-moi le lobe. Vas-y, branle-moi le lobe. Tu vas me faire jouir. Mickaël est avec nous. Pas du tout, c'est Stéphane. Stéphane, 25 ans de Chartres. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir Doc. Salut. Bonsoir Stéphane, t'as 25 ans et t'es à Chartres. Oui, c'est ça. Bienvenue dans la vie fun Stéphane. Alors, tu es un as, un professionnel... Toi, du préliminaire. Oui, on va dire ça comme ça. Bon, en fait, c'est plus la baisse brutale, on va dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on va dire, mettre des chiffons, on va dire, des serviettes dans la bouche, en levrette, ou alors les gorges profondes, avec les deux mains sur le visage, voilà quoi. Mais on parle préliminaire là, Stéphane. Par rapport au préliminaire, qu'est-ce que tu aimes le plus? Pourquoi t'es énervé comme ça, Stéphane? Ça répond. Mais c'est dans la bouche. La sodomiser. Ce que je préfère, c'est les torchons. Ouais. Ah, lui mettre des coups de fouet. Non mais c'est vrai, Stéphane, c'est un peu là on parle préliminaire, tu vois, pour préchauffer la machine. Ouais. Ah bah il considère que c'est des préliminaires et que ça fait chauffer la machine. Il a pas complètement tort. La levrette, on est en plein dedans quand même. On est levrette, non, là c'est plus un préliminaire. Là. Ah, avant de faire ta levrette, Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Bah, à part, j'aime bien qu'on fasse des fellations. Après, moi je suis pas trop cuni, j'aime pas trop en faire. Mais par contre, j'aime Pourquoi bien, par exemple. Pourquoi? Bah parce que en général l'odeur par rapport à ça. Donc la fille, T'es insupportable hein, Stéphane. C'est-à-dire que toi t'aimes bien te faire sucer mais t'aimes pas faire un cuni quoi. Grave, en plus ça sent que t'as une bite qui pue. C'est pas trop mal. Non mais Stéphane, non mais c'est intéressant parce qu'il y a plein, de mecs, et alors franchement on juge personne, hein, mais il y a plein de mecs qui sont comme toi et qui ne pensent jamais à faire un cuni à leur nana, alors que enfin franchement s'il y a bien un moment où tu peux faire jouer ta meuf et être sûr de le faire, c'est en faisant un cuni. Et à côté de ça, dès qu'il s'agit de penser à sa teub, il y a du monde quoi, tu vois. Et d'accord. Et on peut toujours demander, si jamais on a un souci soi-même avec l'odeur, c'est pas toujours que l'odeur de la partenaire est la plus forte pour autant, mais parfois on peut être sensible à cette odeur-là, c'est comme ça. On peut lui demander d'aller se laver avant, voilà, les deux prennent la douche ensemble avant, voilà, comme ça c'est réglé et ça fait toujours des odeurs en moins. Ah ouais, voilà, c'est ça. Hein. Il va pas le faire. Est-ce que c'est ce que tu fais ou vas faire? Disons que je peux faire les cunis, mais il faut que la fille, soit propre avant. Donc, c'est la base, oui, non? C'est mieux pour tout le monde, de toute façon. Toujours. Oui, pour les fellations, c'est pareil c'est aussi. Pareil, hein. Mais c'est marrant que les mecs soient un peu comme ça, genre oui, j'aime bien quand elle me fait des fellations, mais j'aime pas trop les cunis, du coup j'évite. Comme si nous, les femmes, enfin, je veux dire, on fait une fellation pour vous faire plaisir, c'est pas que pour nous. Et je comprends pas. En fait, il y a un côté un peu égo et fierté masculine par rapport à tout ça, alors que, en tant que mec, moi je serais à votre place et je me dirais, putain, mais j'ai envie d'avoir la fierté d'avoir fait jouir ma meuf comme jamais personne l'a fait jouir, de lui avoir fait le meilleur cuni de sa life quoi. Je sais pas, je me dis, il y a peut-être aussi, il peut y avoir un peu ce côté égo de vouloir être le meilleur coup de cette meuf. Et ben ça passe par tout ça. Mais je vois aussi des hommes qui sont dans le truc inverse et c'est assez étonnant et qui sont dans totalement le plaisir de la femme, de la femme, de la femme, de la femme et eux. Sûr, oui, donc, non, mais moi c'est pas tu grave. Tu connais bien, tu connais bien. Effectivement, je suis mais un peu ça existe. Ça, hein. C'est assez voilà, c'est assez étonnant, mais ça existe aussi. Le plaisir masculin est quand même plus facile à satisfaire et à trouver en tout cas que celui de la femme. Donc j'imagine que c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps pour les hommes. Ah Stéphane. Et il existe des hommes. Désolé, mais il existe aussi des hommes qui n'aiment pas la fellation. Oui, aussi. Ça existe. Absolument. Ah oui. Eh oui. Ouais, 25% même. C'est 25% des mecs n'aiment pas les fellations. Ouais, entre 20 et 25%. Donc un mec sur 4. Donc ça tombe bien, on est 4 mecs. Doc, t'aimes pas les pipes? Ah si. Ah si. Cassie, j'adore ça. Moi, j'adore ça, Coco. Coco, t'aimes pas. J'adore me faire sucer, moi. J'adore me faire sucer. Bah voilà. Ah bah oui, moi je déteste ça. Mais j'aime les pratiquer. Ah mais. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a dit, Alice? On blague, humour, ambiance. Écoute, eh ben tu parlais de Cuny, on verra ça tout à l'heure. David sera avec nous dans un instant pour parler préliminaire. Mathilde aussi. Hein, on a que des mecs là, sans déconner. Mathilde, t'es là? Salut l'équipe. Salut. Salut Mathilde. Ça va David? Salut toute l'équipe, ça va nickel. Alors David et Mathilde dans un instant sur Fun Radio dans Love in Fun pour parler préliminaire. On parlera également ce soir de la ASMR. ASMR. Alors on pourra difficilement le faire. Ah, je vous le dis parce que. Oui, on va essayer, mais je suis sûr que ça peut. Le problème avec. Le problème avec les micros de Fun Radio. Ah si, ça y est, ça va. Le problème avec les micros de Fun Radio, c'est qu'il faut parler vraiment juste en face. On fera donc un petit peu d'ASMR dans un instant, d'accord, Alice? D'accord, on en fera et je ferai des pets fouf ASMR. Doc, tu pourras nous expliquer pourquoi l'ASMR fait du bien à ton corps? Je te dirai ça tout à l'heure. Voilà, je vous l'ai dit, c'est une galère avec les micros de Fun Radio. Hein. Restez avec nous dans un instant. Après ce petit sketch improvisé, on va revenir avec vous tous, vous toutes, et avec du son qu'on adore. Criss Cross Amsterdam, Whenever, sur Fun Radio. À tout de suite, les amis, en direct, dans toute la France. Suivez-nous sur Instagram, en tapant Love in Fun. Votez maintenant. Pour vos DJ préférés. Fun Radio DJ Awards is amazing. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir les catégories, les DJ et voter pour les soutenir. Hey everybody, this is Armin van Buuren. Salut, c'est DJ Snake. C'est Koons. Hey, what's up, it's Martin Garrix. Votez pour moi. Please vote for me. Votez pour vos DJ préférés, funradio.fr. Fin des votes, le mardi 16 octobre. Fun Radio DJ Awards. Être ou ne pas être chez Orange et profiter des bons plans d'octobre. Moi, chez Orange, j'ai eu mon Huawei P20 à 379,90€. La qualité à ce prix-là, ça change tout. Et moi, chez Orange, mon Huawei P20, je l'ai eu sans forfait, sans engagement, tout seul, quoi. T'as quand même le chargeur, j'espère. Avec Orange, profitez de la haute technologie à prix réduit avec le Huawei P20 débloqué à 379,90€ au lieu de 599,90€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 24 octobre. Détails en boutique et sur orange.fr. Fun Radio présente Bruno dans ton club, samedi soir, au Vegas, à Saintes, en Charente-Maritime. Bruno dans ton club, ça débarque chez vous et on est bouillant. Bruno dans ton club. La soirée Bruno dans ton club, au Vegas, à Saintes, en Charente-Maritime. C'est avec Fun Radio. The Sound Dance Floor. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Et retrouvez-nous hein, sur Instagram, bien sûr on est présent avec le compte Love in Fun, on vous met des photos, des petites stories justement de ce qui se passe dans le studio, à l'antenne, hors antenne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Instagram aussi de d'Alice, Alice _ Fun Radio. Le mien aussi où on met régulièrement des photos, Karel Fun Radio avec un K. On parle de préliminaires depuis quelques minutes, on est avec Stéphane, avec David et Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bienvenue Mathilde sur Fun Radio. Merci. Voilà, Mathilde est à l'antenne. On n'est pas encore dans l'ASMR, Mathilde, par contre, hein, donc tu peux y aller. Hein. Merci beaucoup. Alors Mathilde, est-ce que tu fais des préliminaires? Est-ce que tu aimes recevoir un préliminaire? Qu'est-ce qu'un préliminaire pour toi? Alors j'adore ça, surtout que c'est que là que je prends vraiment du plaisir en préliminaire. Ok, c'est-à-dire? J'arrive pas à avoir vraiment de plaisir au moment de l'acte en lui-même. D'accord, la pénétration ça te fait ni chaud ni froid, par contre un bon cuni, tu grimpes au rideau. J'aime pas les cunis. Ah bah c'est quoi? Alors c'est un mec qui te touche tout simplement le clitoris avec ses doigts? Juste le clito, c'est ça. Avec ses doigts. Et alors il faut le faire comment pour te faire jouir? Bon, ça dépend, des fois très doucement et des fois plutôt brutalement. Comment tu fais comprendre à ton mec qu'il faut y aller doucement? J'ai l'impression qu'il doit savoir, à chaque fois il a le bon truc. Ah c'est ça, hein. C'est la connexion quoi. Non mais moi je pose des questions hein, parce que. Mais t'as raison. Voilà. Mais pendant la pénétration, tu dis que t'as pas de plaisir, mais c'est parce que il te touche pas le clito. J'ai un petit peu de plaisir, mais sans plus. Et pourquoi t'as uniquement la pénétration ou il y a aussi la stimulation de ton clitoris en même temps? Ah, quand il stimule le clitoris en même temps, là, j'adore. Mais... Ah bah oui. Eh bah dis-lui de le faire tout le temps, Mathilde. Sinon, juste la pénétration, je prends pas tant de plaisir que ça. Mais comme beaucoup de femmes, hein, bien de toute façon. C'est plus compliqué hein, pour avoir un orgasme par la pénétration juste avec le clitoris. Le clitoris, c'est plus simple, si on doit dire ça comme ça. Hein. Oui, c'est le même tissu érectile que le gland chez l'homme, donc ça réagit très très bien et assez facilement. Pour avoir un orgasme vaginal, c'est quelque chose qu'il faut arriver à avoir après apprentissage, lâcher prise, etc. Ça s'apprend. Voilà. Mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Ah mais c'est ça. Mais moi j'ai l'impression que il y en a plein qui se réveillent là-dessus quoi. C'est-à-dire que il y en a plein qui pensent que tu fais jouer une femme en la pénétrant alors que enfin ça se passe surtout au niveau du clitoris quoi. Ah oui, on a quand même pas seulement mais... Si je me trompe pas, les femmes, on est quand même les seules à avoir un orgasme qui est exclusivement dédié à notre plaisir personnel. Enfin, le clitoris, hormis ça, il nous sert à rien d'autre. Alors que vous, votre gland ou quoi que ce soit, il est, enfin, je veux dire, il vous sert pour d'autres choses. Vous en avez besoin même dans la vie au quotidien. Ah bon? Pourquoi? Pour décapsuler? Non, je sais pas, mais tu pisses par le bout de quoi? Enfin, je sais pas, tu vois, tu t'en sers aussi pour autre chose, ton pénis. Alors que nous, pour le coup, le clitoris, il sert à rien d'autre et c'est pas une déco comme certains peuvent croire. Arrêtez de vous la péter. Les filles avec votre clitoris. Mais on se la pète pas justement, on dit juste qu'il faut voilà quoi, y aller un peu plus. Il faut s'en occuper. Il vient d'apparaître dans les manuels scolaires, donc il serait temps qu'il apparaisse. Ah ouais, ça fait bien longtemps qu'il est apparu dans Love in Fun. Hein. Je vous le dis, ça devrait être le logo de Love in Fun. Et Mathilde, pourquoi t'aimes pas le cuni? Je sais pas, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Pourtant, j'adore faire des fellations, mais le recevoir un cuni, j'aime pas ça. Mais c'est quoi? Oui. Comment? C'est parce que ça te gêne? En fait, qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans? C'est le fait qu'il soit en train de faire ça, t'arrives pas à lâcher prise, ou ça te dégoûte? Est-ce que c'est parce que t'es gêné, tout simplement, du fait qu'il ait la tête entre tes jambes? J'en ai aucune idée, vraiment. Il n'y a rien qui m'attire dans le cuni. Parce qu'il stimule ton clitoris aussi pendant ce temps-là, donc normalement, ça devrait être aussi agréable qu'avec un doigt. Je sais pas, j'y arrive pas avec le cuni, c'est... D'accord, alors Mathilde, toi qui aimes faire des pipes, c'est quoi une bonne pipe? Bah pour mon copain, c'est un peu spécial. Vas-y, raconte. Il faut sans les mains. Sans les mains? Avec les dents. Sans les mains et avec les dents? Mais c'est non, une c'est génial. Ah, j'adore. Putain, et sans les mains, avec les dents. Non, putain, mais sans déconner. C'est vrai, tu mets vraiment tes dents? Oui, oui. Ah ouais, putain, tu lui rappes la bite, sans quoi. Sans les mains, j'ai pas trop le choix de mettre les dents. Pourquoi? C'est pas facile de tout tenir en même temps sans les mains. Ah bah oui, c'est vrai, peut-être. Si, ça marche. Tu t'accroches. Bon. Non mais ça marche, mais c'est avec un effet un peu de succion. Tu peux réussir à sucer sans les mains et sans les dents. Mais là, c'est parce que lui aime les dents. Il aime ça aussi. C'est d'accord. Génial. Ah, t'avais déjà entendu ça, Doc? Non, une fellation à base de dents. Généralement, c'est ce qu'on ne conseille pas. Oui, c'est ça. Hein, en général, tout le monde évite. Hein. Hein, parce que franchement, le gland, c'est tellement sensible. Surtout quand t'éjacules, quoi. Mais vous dites ça, Faut pas que je morde, mais juste mordiller un petit peu, il adore ça. Mais oui, vous en rendez pas compte, hein, des fois, les mecs. On utilise nos dents, mais on vous fait pas mal avec et vous kiffez, vous en rendez même pas compte que c'est des dents. Hein. Peut-être. Bah oui, bien sûr. Peut-être. Ah oui, c'est pas les canines. On n'utilise pas la canine. Ça me revient. La fois où une ex est repartie avec un bout de gland. Oui, tout à fait. David est avec nous. Bonsoir, David. Bonsoir, l'équipe. Bon, salut. Bonsoir, David. Toi aussi, tu aimes sucer? Non, moi, je fais des fellations aux filles. Tu fais des fellations? Tu fais des fellations? Je suce la bite des femmes. D'accord. Et alors, t'as un petit... Le gros clitoris. Le gros clitoris. Tu aimes les clitoris, David? C'est ça. D'accord. Quels sont tes préliminaires préférés? Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce que t'aimes pas faire? Qu'est-ce qui te... C'est quoi ton petit truc en plus à toi pour faire jouer une femme? Bah déjà, moi, j'adore faire des bons petits cunis, un bon petit 69. Je pense que c'est les bonnes clés pour pouvoir, après, la faire grimper au rideau, comme on pourrait dire. D'accord, mais un 69, dans quelle position? Bah, je lui bouffe la chatte, elle me bouffe la bite. Je lui bouffe la chatte, elle me bouffe la bite. Ça, oui, beau, oui, non, mais bien sûr. Non, mais quelle position? Genre le 69 où t'as, genre limite, le nez dans l'anus? Ou alors le 69 de côté? C'est ça, plus le nez dans l'anus. Bon, faut pas trop nifler parce que des fois ça sent pas très bon, hein. Ah mais non! Un petit peu qui peut partir à la discrétos sans qu'on l'entende. C'est souvent des petits peu foireux. Ah ouais, putain, et David, t'es pas un poète, hein, je te le dis direct. Hein. Petit tour de table. Alice, préliminaire préféré, toi, c'est quoi, toi? Oh, moi, j'aime tout. Mais c'est vrai que j'aime bien, en fait, la masturbation mutuelle. C'est-à-dire que, tu vois, t'es en train de branler le mec et lui, il te touche, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais moi, j'aime bien tout. Ah, oh, mais tous les préliminaires. Voilà, ah, non, mais je suis en panne. Moi, j'adore tout, vraiment, franchement. C'est quoi, toi, Kassim, ton préliminaire préféré? Moi, j'adore lécher les seins. Alors, ça, c'est mon kiff, quoi. Tu sais, t'arrives devant la meuf, t'as les deux gros seins et tu lèches. Et tu lèches tout et tu lèches. Oh. On dirait pas un vieux porc. Ah non, mais ça, c'est déconner, ça me fait bander. Tu lèches, hein, j'adore lécher les seins. Non, mais putain, oh, je suis fan, quoi. Ah ouais, non, mais on sent que t'as une passion. Calme-toi. Sans déconner. Coco, c'est quoi, toi? Moi, j'adore me faire sucer. Par contre, j'ai aussi le kiff, tu sais, quand je mets des doigts, je sais pas si c'est parce que, genre, je suis un macho, mais je kiffe quand je vois la meuf jouer et je suis en train de lui mettre des doigts et là, viens, attends, je continue. Calmez-vous, putain, elle s'en déconne. Alors, tu sais quoi, je trouve que Kassim a une mauvaise influence sur Coco. Mais ça, c'est le côté égo. Le mec est fier, tu vois. En fait, il lui met des doigts et il est fier parce qu'elle kiffe, quoi. De ouf. Tu sais quoi, moi, j'adore bouffer des chattes. J'adore. Tu sais, quand tu sens que la nana est la regarder et tout, quoi. Quand tu sens que la nana. Tu sais, en plus, t'as une vue, tu vois ses seins, là, qui sont. Ah, putain. Et tu sais quoi, il faut que je fasse l'amour. Méloche. Écoute, moi, j'aime bien qu'on me fasse des cunis. Non, mais c'était il y a combien de jours déjà? 539, toujours. 539 jours. Alors, souviens-toi, il y a 539 jours, qu'est-ce que tu kiffais? Je kiffais les cunis, qu'on me fasse des cunis. Ouais. Et puis, bah, j'aime bien sucer, en fait. Franchement, ça me fait trop plaisir. J'adore. Tu vois, franchement, je kiffe. Plaisir d'offrir. Je me mets des doigts, tu vois. C'est cool. Mais c'est véridique, hein. Tu suces et en même temps, toi, tu te touches et tu te mets des doigts. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, en plus, c'est véridique. On fait la meilleure émission de radio. Tu peux aller chercher ailleurs et tout, t'entendras ça nulle part ailleurs. Moi, j'aime sucer, je me mets des doigts, tranquille. Non, mais c'est marrant. Et pourquoi c'est pas lui qui le fait? Je sais pas, moi j'aime bien me toucher moi-même. Ah, je d'accord. Sais là où ça, tu vois. On trouve ça tous super. Qu'est-ce qu'il y a, David? C'est mieux que quelqu'un te le fasse. Hein. Ouais, mais mon ex, il le faisait mal, je pense. Ouais, c'est ça. Pour ça. Il avait des ongles. David, t'es célibataire? Moi, oui. Ah ben, passe à la radio. Hein? C'est non, ça. Mais attention, pour rencontrer Méloche, si jamais il y a un feeling, on ne sait jamais. Ah oui, t'inquiète. Hein, on fera une soirée spéciale Méloche hein. Bientôt. Enfin, je vous le dis. Hein. Ou même Alice, hein. Oui, bien sûr, bah tu bouffes à tous les râteliers, David. Hein. Hein, ah, bah du temps qu'il y a de la femme, hein, c'est l'essentiel. Hein. Ah putain, sans déconner. Putain. Et dans 3 jours, on va apprendre que David avait des cadavres dans sa cave. Hein. Attention, David. Non, quand même pas, non. Attention, hein. Je plaisante. Doc. Oui, quoi? Comment? Oui? Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais je me pose la question, Doc. Les préliminaires, non. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment jouer avec son corps. D'accord. Voilà. Ah, ça c'est la réponse de Doc. De la tête aux pieds avec tout ce que t'as et avec tout ce que l'autre a. Mais comment tu joues? Ah bah, je peux pas te montrer là. Je fais des morpions sur son ventre. Ah, je vois. Non, mais je suis sûr que Doc, c'est le genre de mec à faire du body painting. Grave. Hein, se faire peindre le corps et caresser ensuite, avec des feuilles. Hein, voilà, par exemple. Ah ouais, bah tu vois, je le sentais venir. On te caresse le corps avec une plume et tout. Oui, et inversement aussi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Il faut être créatif. Tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui te passe par les doigts, tout ce que t'as autour de toi, ça peut être utile. Et t'as déjà fait un truc vraiment chelou et tu t'es dit, bref, ça je le referai plus. Non. Ok. La caresser avec un spaghetti, c'était pas top. En tout cas, on sait que Doc s'en sort souvent avec une plume dans le cul. Voilà. On en sait un petit peu plus. Merci à tout le monde. Merci à David, Mathilde. Alors, David et Mathilde, on va Est-ce vous envoyer. Que je peux passer

besito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Selena Gomez, DJ Snake, Taki Taki sur Fun Radio. Passe ton examen dans Lovin' Fun sur Fun Radio. L'examen tous les soirs sur Fun Radio dans Lovin' Fun pour gagner bien sûr le diplôme, votre diplôme personnalisé, hein, avec le petit message de félicitations, la petite signature de toute l'équipe, et puis bien sûr le super pack Lovin' Fun à gagner. Ce soir, deux nouveaux candidats vont tenter de s'affronter sur des questions de Lovin' Fun, hein, des questions qui peuvent être des questions sur la sexualité, la culture générale également, hein, des questions de mathématiques. Hein, on adore vous piéger avec des soustractions. Et pourtant, c'est pas très compliqué, hein, franchement. Mais parfois, on est surpris du résultat. Ouais. Et puis surtout, ça vous donne l'occasion à vous qui nous écoutez de jouer aussi, voilà, de votre côté. Nous accueillons ce soir Steven, 25 ans, de Maubeuge. Bonsoir Steven. Bonsoir. Salut. Bonsoir Steven. Est-ce que tu sens que tu vas gagner ce soir, Steven? Ah, chaud patate ce soir. Ah, oh, direct. Quel sera ton buzzer pour donner ta réponse? Très bien. Corentin, 19 ans de Tourcoing. Salut toute l'équipe. Salut Corentin, bienvenue. T'as déjà eu ton bac? T'as déjà eu un diplôme toi, Corentin? Ouais, moi j'ai eu un BTS. D'accord, Corentin, tu fais trop de bruit. Je te le dis tout de suite, continue comme ça et je t'enlève 2 points. Ah, vas-y, fais-le. Oui, Steven, calme-toi, sinon je t'enlève 3 points. Ok? Ah non. Alors, Corentin, ça y est, c'est bon? T'es concentré? Oui. T'es avec nous? Oui, concentré. Quel sera ton buzzer, Corentin? Badaboum! Badaboum et Ian ce soir. Très bien, 10 questions. Attention, je rappelle, si vous buzzez, vous donnez une mauvaise réponse, il y a le candidat adverse qui peut donner une proposition, bien sûr. Corentin, attention, deuxième fois, hein? La prochaine fois que tu fais du bruit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as arrangé là? Vas-y. C'est pas moi. Steven, c'est toi? Non, c'est pas moi. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Hein? Attention, hein. Je rappelle que notre huissier de justice, Maître Doc, est avec nous. Maître Pavajo. Bonsoir. Tout va bien, Maître Pavajo, il peut pas savoir qui c'est qui fait le bruit, hein. Qui a fait bruit, Maître Pavajo? Non, j'ai pas écouté. Ah voilà, il n'a pas écouté. On n'est pas dans le jeu encore. Donc. Il a autre chose à foutre. Allez, c'est parti, on y va. Dans quel pays fait-on le plus l'amour? 3 propositions. Est-ce que c'est en Italie, au Japon ou en Grèce? Badaboum. J'ai entendu Steven d'abord. Au Japon. Au Japon, pas du tout. Corentin. En Italie. Pas du tout, c'était en Grèce. La Grèce avec 164 rapports en une année. C'est beaucoup, hein? En France, oh, en France, on est à 125 ou 130 en fonction. Absolument, des études. Absolument, Doc. Bonne réponse. Tu ne serais pas sexologue par hasard dans ta vie. Hein? Bravo. Non, alors qu'au Japon, c'est 48. Ouais. Les Japonais niquent pas, ils n'ont pas le temps. Hein. Ouais, c'est vrai, quoi. Dans quel pays? C'est une nouvelle question. Dans quel pays se trouve la ville d'Agadir? Badaboum. Oui, Corentin. Au Maroc. Bonne réponse. Corentin, tu as séjourné au Maroc? Non, du tout. Eh bien, tu devrais. On y passe d'excellentes vacances. La brume d'Agadir, bien sûr. Hein. Je l'ai connue, j'ai passé une semaine sous la brume. En Indonésie, si la femme est plus grande que le mari, on lui coupe les jambes. Vrai ou faux? Badaboum. Ian, c'est donc Steven. Vrai. Absolument. Mais c'est fou ça. Je découvre les questions, je découvre les réponses. Oui, en Indonésie, les femmes doivent être plus petites que leur mari. Si ce n'est pas le cas, une partie des jambes devra être sectionnée. C'est un truc de dingue, hein. Non mais attends. Bah oui, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. C'est une loi qui est complètement folle, qui probablement n'est pas respectée encore actuellement. Et puis je pense que les femmes font attention de faire en sorte que le mari soit un peu plus grand quand même. C'est ça surtout. Pour ouais. être sûr. Mais bon, une sacrée sélection. C'est les hommes qui portent des talons. Ah putain, oui. Combien font 17 plus 14? Badaboum. Oh putain, quelle rapidité, Corentin. 31. Bravo Corentin. Corentin est très intelligent, je peux vous le dire. Autant Steven me fait de la peine, mais Corentin... Ah ouais, non, c'était moi en premier. Eh, dis donc, tu sais comment ça s'est fini le dernier qui m'a dit ça? Il a été exclu du jeu. Attention Steven, hein. On fait un petit récapitulatif des points s'il te plaît, Alice. 2 pour Corentin et 1 point pour Steven. Voilà. Bah, tu vois, t'es dernier Steven, alors tiens-toi à 40. C'est pas hein. Fini, c'est pas fini. C'est pas fini, on continue. Complétez cette expression, avoir la tête. Balaboum. Oui, Corentin. Dans le guidon. Avoir la tête dans le guidon. Ah, on ne peut pas ne pas l'accepter. On l'accepte, il y avait la tête dans le cul, dans les étoiles, sur les épaules, entre autres. On continue. Combien de partenaires sexuels Méloche a déjà eu dans sa vie? Oui, Steven. 5. Et non, c'est une mauvaise réponse. Corentin? 3. 3, c'était pas loin. Méloche, est-ce que tu peux nous dire combien de partenaires sexuels t'as eu dans ta vie? 2. Et avec moi, ça fait 3. Donc oui, c'est une bonne réponse de Corentin. Ça fait 1 point pour Corentin. Puisque je le rappelle, si vous voulez travailler dans Love in Fun, il faut coucher avec tous les hommes qui font cette émission. Sauf Doc, parce que c'est un médecin. Voilà, tout ça. Bien sûr, c'est important. Je ne te mets pas dans cette règle. Alors, combien de temps a duré l'orgasme féminin le plus long du monde? 3 propositions, les amis. 27 secondes, 43 secondes ou 1 minute et 17 secondes. Badaboum. Oh. Badaboum, Corentin. 1 minute 17. Absolument pas. Steven, t'as le choix entre 27 secondes et 43 secondes. 43. Bravo, Steven. Deuxième enfin. Point pour Steven. Enfin, une bonne réponse, Steven. Et dès que c'est la deuxième, hein, déjà. Ah ben, oui. Ouais, non, mais dès que c'est de la chance, hein, tu peux avoir du bol. Bravo. Oh. Non, c'est pas de la chance. Vous vous en doutez, j'étais là, hein, 43 secondes. Effectivement, c'est un orgasme qui a été constitué de 25 contractions successives. Devant un huissier. Nous étions là. Doc était présent. Doc est partout. Hein, le mec est partout, hein, bien sûr. Allez, c'est parti. Nouvelle question. Mais juste avant, on fait un petit récap encore des points, Alice, s'il te plaît. 2 pour Corentin. 3 pour Corentin, pardon. Et 2 pour Steven. C'est encore serré, on y va. Vrai ou faux? Un mec a été arrêté par la police après avoir tranché avec une hache le sexe d'un de ses amis. Badaboum, Steven. Non, c'est Corentin, raté. Badaboum, Corentin. Vrai. C'est vrai. C'est vrai, putain, c'est dingue cette histoire. Il a commis ce geste horrible après avoir mesuré le pénis de son ami qui lui a dit entre-temps qu'il avait couché avec sa femme. Ouais, en fait, ça s'est passé en Russie et c'était une soirée hyper arrosée où les deux mecs se sont retrouvés en fin de soirée à parler et tout et à genre un peu, bah, concrètement, le concours de beat à sortir leur top pour savoir laquelle était la plus grosse des deux. Sauf que le mec qui avait la plus petite beat et qui en plus était le cocu a pété un câble, il a sorti sa hache et il lui a coupé la tub. Ouais, c'est alors, un truc de fou, hein. La personne est toujours vivante, hein, mais elle n'a plus de tub. Donc voilà. Est-ce que on continue, Steven, Corentin? On continue. Allez, il reste encore deux questions. Et là, Steven, tu dois absolument marquer 2 points. À quel âge j'ai eu mon premier rapport sexuel? Badaboum. Moi j'ai entendu Steven. Huissier de justice. Ah, j'aurais dit badaboum. Badaboum. Bon, je repose la question. À quel âge j'ai eu mon premier rapport sexuel? Non. Ce sera Steven. 17 ans. Ouais, bonne réponse. Bravo. Tiens. Il était là. Bravo, bravo. Il était là. Ah ouais, j'étais en train de te mater, Karel. Ah, dis donc, t'as vu ça, hein? Avec Malvina, on s'est éclaté ce jour-là. Allez, c'est parti. Nouvelle question. Comment nomme-t-on le fétichisme des pieds? Est-ce que c'est la zidanophilie, la mycosophilie ou la podophilie? Badaboum. Badaboum, Corentin. La podophilie. La podophilie, et c'est une bonne réponse, c'est une victoire de Corentin ce soir. De l'importance de choisir son buzzer. C'est beaucoup plus dur, Steven, de faire « i-an » que de faire « badaboum ». Ouais, bien sûr. Il a été plus vite que moi. Bien sûr, t'as vu, je te trouve des circonstances atténuantes, hein, parce que... Hein. Bien joué, Steven, quand même. Ouais, bien joué, toi aussi, hein. Allez, sans déconner. Et tu sais quoi, Corentin, tu serais prêt à lui donner ton diplôme ce soir? Peut-être pas quand même. Ah, t'as bien raison. De toute façon, il sera attribué à ton prénom. Ah, oui. Corentin, c'est ton prénom qui va être marqué et tout. Corentin, tu gagnes ton diplôme Love in Fun et tu repars avec le super pack Love in Fun. Steven, toi, tu redoubles.

Ah oui, je suis avec madame, mais la semaine prochaine, le zap, un tout petit peu plus tôt, s'il vous plaît. Ah, on te rappelle la semaine prochaine, d'accord. Coco. Très bien, on le fera plus tôt. T'as, c'est le papa de Coco qui va décider de à quelle heure on fait quoi. Ah, c'est ça qui est bon. À bientôt, Clo-Clo, voilà. Au revoir. Et, merci, bonne soirée. Au revoir. Mes amitiés à madame, Clo-Clo. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Il est cool ton père, grave. Coco, vraiment super cool. Ouais, mais quand j'étais petit, il était pas si cool que ça. Ah bon? Il t'en a. Il était assez costaud, tu vois. En plus, un artisan, il a des grosses mains et j'ai pas des très bons souvenirs. Pour te dire, une fois, il m'a botté le cul. Ouais. Je suis allé à l'école avec une chambre à air. Oh, je pouvais pas m'asseoir. Oh. C'est des bons souvenirs, mais tu devais le mériter. Oui, mais t'as botté le cul avec quoi? C'est quoi, ça ne m'étonne avec pas. Avec ses pieds. Il a eu bien raison de te le faire. Dans un instant sur Fun Radio, oui, ça y est, on va parler d'ASMR. Et Roxane, elle nous attend depuis au moins une demi-heure. Là. Roxane. Oui, je suis là. On arrive tout de suite, d'accord, Roxane? Promis. A tout de suite. A tout de suite, on parle de l'ASMR avec Roxane, avec vous tous. Dites-nous si vous kiffez ou vous n'aimez pas. On en parle après Lune sur Fun Radio. Je bouffe l'intro, j'en ai rien à foutre. C'est Love in Fun. Thinking about you, thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, thinking about how I know. Whisper after the tone. I keep missing you too much. Told me to be stable and live without you, live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you, can't live without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too. Radio Missing You. 01 42 48 5000, appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Notre auditeur du soir est avec nous depuis 22h. Maxime, il a 19 ans, il est de Paris. Toujours là, Maxime? Je suis toujours. Ah, tu captes de moins en moins, dis donc. Ça va, Maxime? Mais à côté de la porte du garage. À côté de la porte du garage. Bah, alors, tu dois être bien. Ouais, alors il faut que tu fasses 2-3 pas en arrière. Vas-y, fais voir. Alors, c'est pas terrible. Maxime, on va. Ah, je crois que c'est bon, Maxime. Mais t'étais. Qu'est-ce que tu fous dehors, hein? T'as l'air, t'étais chez toi. Je suis pas dehors, je suis dans la cave. Mais qu'est-ce que tu fais dans la cave, Maxime? Bah, tu c'est nous là fais où peur. Il vit, c'est tout. Tu vis dans une cave? Je discute avec les araignées. D'accord. Alors, Maxime me fait peur, Doc. Oui, il discute ça, avec les araignées. Ouais, c'est pas terrible ça. Alors, Maxime, on va te récupérer on peut en dans faire un sujet. Instant. Si. Bien sûr, bien sûr. On va d'abord accueillir Mickaël. Mickaël, 25 ans, il est danger. Bonsoir, Mickaël. Allô, Mickaël. Mickaël est avec nous. Mickaël. Mickaël est un auditeur qu'on aura beaucoup apprécié sur Fun Radio. Parti trop tôt. Mickaël, c'était 25 belles années. C'est dommage, on a à peine eu le temps de s'attacher à lui. Du Maine-et-Loire. Mais déjà, son prénom, ça m'évoquait beaucoup de souvenirs. Mickaël, bien sûr. Michelangelo, comme on dit, là-bas, en Italie. Michael. On va accueillir Roxane. Elle est youtubeuse et elle fait de l'ASMR. Bonsoir, Roxane. Bonsoir. Salut Roxane. C'est une vraie tendance en ce moment, l'ASMR. On voit de plus en plus de personnes parler de l'ASMR et notamment sur YouTube. Toi Roxane, t'en as fait une chaîne, je pense, hein, entièrement dédiée. On a eu l'occasion de voir quelques vidéos et ça cartonne, Roxane. Tu peux nous parler un petit peu de cette passion, comment c'est né pour l'ASMR? Où est-ce que t'en as entendu parler? Toutes ces questions sont pour toi, Roxane. Alors, moi j'ai testé l'ASMR il y a 4 ans déjà, quand je rentrais en école d'infirmière, j'étais extrêmement stressée. Et donc du coup, tout ce stress a entraîné de grosses insomnies. Et je suis tombée un peu par hasard sur l'ASMR sur YouTube en tapant vidéo de relaxation et ça a été un coup de foudre pour moi. D'accord. Et 2 ans plus tard, j'ai voulu lancer ma propre chaîne pour aider les gens comme ça avait pu m'aider autrefois et ça a plutôt bien marché. Oui, alors c'est le succès est venu tout de suite ou pas, Roxane? Alors le succès, je ne sais pas si on peut parler vraiment de succès, mais c'est monté assez progressivement. Dès la première semaine, j'avais 1000 abonnés et 1000 de plus chaque semaine. Et aujourd'hui, on est quasiment 120 000. Ah oui, quand même. Doc, l'ASMR, c'est quoi exactement? Alors, l'ASMR, de ce que j'ai vu, ça a été, on va dire, étudié il y a une vingtaine d'années maintenant. Quelqu'un qui s'est intéressé à un phénomène qu'il trouvait bizarre, c'est que quand tu vas chez le coiffeur et qu'on te fait un shampoing, ouais, ou qu'on te coupe les cheveux, le massage du crâne peut déclencher des choses un peu particulières, des frissons, des décharges électriques, des fourmis, enfin tout ce genre de choses-là. Et donc, la personne s'est mise à étudier la question et à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait un lien entre certains attouchements, certains bruits aussi, puisque en touchant, quand tu fais un massage du crâne, c'est vrai que ça te donne des perceptions, mm-hmm, et des petits bruits, et comment est-ce que ça peut te détendre autant que ça. Et donc du coup, il a développé l'ASMR, alors je ne sais plus le terme en anglais, parce que c'est un acronyme, mais voilà, ça vient de là. C'est ça. Et Roxane, toi, tu fais des vidéos d'ASMR. C'est quoi tes types de vidéos en fait? Il y en a, il y a différents thèmes, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, les sons ou visuels, c'est ça qui vont détendre la personne qui regarde les vidéos. Donc on appelle ça des déclencheurs, puisque ce sont des déclencheurs de fourmillement, comme le disait parfaitement Doc. Et en fait, le but, c'est vraiment de détendre la personne qui va regarder la vidéo, donc par des visuels, par des sons différents, il y en a de toutes sortes. Et voilà. C'est un peu ça le concept et je fais ça sur ma chaîne. On a un petit son justement de toi qui fait de l'ASMR. Je vous propose de l'écouter. On écoute. Pour bien profiter de cette période de détente, installez-vous confortablement. Je bande. Pardon. Des distractions surviendront probablement à un moment ou un autre au cours de l'exercice. Ramenez alors simplement votre attention sur la sans faire d'efforts et sans penser à rien d'autre. Les prochaines minutes n'appartiennent qu'à vous. Ah, c'est bien. C'est vrai que. On n'est pas tous sensibles à l'ASMR. Il y a des gens qui sont sensibles à ça. Il y a des gens que ça relaxe. Pour voilà. Il y a des gens que ça relaxe. Il y en a d'autres que ça énerve. Et il y en a d'autres que ça excite. On a un petit massage d'oreille, Kassim, on écoute. Oui. Arrête de me lécher l'oreille. Arrêtez, enfin, Roxane! C'est horrible quand ça se Roxane, t'en... avec le casque et tout! Ah ouais, là, c'est ouf! Franchement, non, mais moi, je peux comprendre que ça ait des sensations hein, chez certaines personnes et tout. Et je pense que quand t'as le casque et tout, tu te, genre, tu t'allonges dans le lit, tu fermes les yeux, forcément, il doit se passer des trucs. Et c'est vrai, Roxane, c'est quoi alors finalement les réactions des personnes qui te regardent, de tes abonnés? J'imagine qu'il y a différents types de personnes. Tu dois avoir aussi des mecs qui doivent, voilà, être excités par ça. C'est quoi les retours que t'as, toi, de tes vidéos? Bon, alors déjà, il faut savoir que l'ASMR, ça s'écoute dans un endroit où on est bien, où on est souvent tout seul. Voilà, je veux dire, on peut pas l'écouter comme ça au milieu de plein de personnes, ça ne fera pas grand-chose. Mais après, les retours sont souvent quand même positifs. Les gens ressentent des frissons, de la chaleur au niveau des tempes, de la colonne vertébrale. C'est que des sensations qui sont agréables. J'ai jamais reçu de commentaires en me disant que c'était des sensations désagréables, en tout cas. Et voilà, donc en fait, généralement, c'est des retours plutôt positifs. Après, il y a des gens toujours qui s'amuseront et qui s'exciteront de choses un peu banales, mais bon, j'ai envie de dire que ça, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Bien sûr. Mais voilà. Super, Roxane. Alors, il y a Mickaël qui nous appelle là pour réagir au 01 42 48 5000. Salut, Mickaël. Salut tout le monde, le retour, ça va? Là, ça va, Mickaël. Alors, tu voulais réagir. Toi, l'ASMR, t'aimes pas? Non, pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Honnêtement, même parce que t'en es une personne qui mange, déjà, je supporte pas. Bon, l'ASMR, c'est pas la peine. Après, par contre, quand c'est une nana qui parle tout doucement, qui a ton oreille, ouais, par contre, ça fait bander, par contre. Oh putain! Alors, je suis désolé, Roxane. Ici, on ne dit que la vérité. Tu vois, Mickaël, lui, ça le fait bander. Hein, voilà, c'est ça. Ouais, bah, voilà, c'est vrai, c'est excitant. La respiration, venir un petit peu à l'oreille et tout, ouais, ça fait bander quand même. Mais c'est. Attends, c'est juste des personnes qui mangent, ouais, honnêtement, ça a envie d'être des crêpes dans la figure, quoi. Non, mais alors, c'est ça. Il y a des petits bruits aussi, souvent. Il y a des petits bruits, des petits tics, des petits tocs qu'on a sur certaines choses qu'on ne supporte pas. Hein, par exemple, de l'eau versée dans un verre, il y en a qui détestent ça, le bruit de l'eau et tout. Et au contraire, il y en a voilà, qui trouvent que ça les détend et tout. Par exemple, si je fais ça, quelle est la sensation que vous avez? La violence. Ah, ouais, voilà, la violence. Ouais. Écoutez. Non, ça va, c'est pas mal. Attention. Il se débrouille bien, hein, Roxane. Ouais, là. C'est pas mal, il y a quelque chose. Hein. Par contre, tu as dit, t'as pouvoir en faire, c'est après quand? C'est horrible. Oh, c'est atroce. Voilà. Bon, ça, j'aime un peu moins. Ouais, non, tu vois. C'est pas top. Mais Alice, par contre, ça ferait quoi si t'as chuchoté? Bah, moi, si je chuchote, ça fait des trucs comme ça. Tu vois, là, ça fait des trucs. Ouais, Mickaël, mais t'as un souci, Mickaël. Ah ouais, non. Mickaël, il a pas fait l'amour depuis 10 ans, hein, forcément. Oh, ça va. Non, mais du coup, toi, t'es pas. Excusez-moi, j'ai une chips, hein, du coup. Hein, non, mais du coup, toi, t'es pas fan du truc. Hein. Non, qui... je suis pas fan. Tu fais du bruit, tu l'assumes. Tu fais clairement du bruit. C'est pas de l'ASMR. Ah oui, en gros, si tu veux parler, voilà. Tu parles comme tout le monde. Quoi. Mais voilà. Oui, mais. Mickaël, c'est une méthode de relaxation. Faut le prendre comme tel. C'est ça. Ouais, mais tu vois, regarde, une femme qui va murmurer, ça va être relaxant, puis après, ça va être excitant. Et hop, là, on l'assume. Alors, toi, du coup, t'es parti là-dessus. En attendant, ça cartonne. Hein, ça fait énormément de vues sur YouTube, et notamment toi, Roxane. Si on veut te retrouver, c'est quoi ta chaîne YouTube, Roxane? C'est Roxane ASMR, tout simplement. Roxane ASMR, j'irai voir tes vidéos ce soir pour me prélasser dans mon lit. Non, mais parce que c'est sûr que tu dois avoir plein de messages, Roxane, parce que en plus de faire ça bien, t'es quand même hyper mignonne. Dès qu'on a démarré la vidéo YouTube, il y a quand même toutes les personnes du bureau qui ont dit « Oh, elle est belle en plus, Roxane !» Donc forcément, les gens doivent être en train de se palucher devant tes belles vidéos avec toi qui... Ah, j'espère aimer la ASMR, alors. Ah oui, mais c'est ça, parce qu'elle est très mignonne, Roxane, en plus, donc ça doit jouer. Je vous propose pour finir, en tout cas, ça peut pas faire de mal, et c'est déjà ça. Si t'aimes pas ça, t'arrêtes, t'en fais plus, et puis voilà. Donc, c'est quand même pas mal comme technique. Ça aurait pu être une question de l'examen ce soir. Écoutez ce son et dites-moi, qu'est-ce que la personne fait écouter? Elle mange. Mais qu'est-ce qu'elle mange? Un cul. Les cornichons. Bravo, elle Roxane. Elle la connaît, la vidéo. Oh, Roxane, ouais. C'est toi? Oui, c'est moi. C'est toi. Ça change du concours, moi. Alors, Mickaël, il est dans la finesse. Hein. Ouais. Ça, sans déconner. Ouais. Ça change du concours. Ouais, putain, sans déconner. Roxane, oh, on te remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu ici. Et on ira voir tes vidéos avec grand plaisir. Merci d'être passé, Roxane. C'était cool. Merci pour l'accueil, en tout cas. À bientôt, Roxane. Gros bisous, salut. Bisous. Gros bisous Roxane. Et Mickaël, va te branler un coup, tu vas te détendre. Hein, je te le dis direct. Ouais, je suis au boulot en plus. Hein. Et même au travail. Tu sais qu'il y en a qui le font au boulot. Putain, ouais. j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui s'est masturbé dans les toilettes de Fun Radio. Et comment t'as appris ça? Bah parce que moi, c'est tout. j'ai venu récupérer ma caméra, comme d'habitude. J'ai aidé la personne, et forcément. Non, mais c'est vrai, comme quoi il se passe des trucs hein, vraiment chelou. 01-42-48-5000, Amélie est avec nous, 25 ans de Macon. Bonsoir Amélie. Bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir le doc. Salut. Salut. Bonsoir Amélie. Ça va Amélie? Mais ça va très bien. T'appelles pourquoi Amélie? T'appelles pourquoi? J'appelle parce que je fantasme sur un de vous. Ah, bah tu vas nous dire qui dans J'espère un instant. C'est moi. Sur qui fantasme Amélie? Reste avec nous pour tout savoir. On va revenir sur Fun Radio avec Prince Karma. Letter Beaches. A tout de suite dans Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Qu'est-ce que tu viens d'entendre sur l'antenne de Fun Radio? Eh bien, je viens d'entendre le double fun avec les deux titres de Martin Garrix. Ophélie, l'iPhone 10S, c'est gagné! Merci, fan! Pour gagner le nouvel iPhone 10S, écoutez Fun Radio. It's amazing. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. So just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. That's on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, 'cause we got audio. 22h minuit. Du sexe, de l'amour et du fun. C'est Love in Fun. Sur Fun Radio. C'est tout ça, Love in Fun, et bien plus encore. J'espère que vous allez bien. On est jeudi soir, on est en direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la dernière de la semaine et qu'on oh là va là. Tous partir en week-end. Déjà. Mais que va faire l'équipe ce week-end, Doc? Tu vas faire quoi, toi? Je pars en Bourgogne avec des amis. Oh, je vais. Près de Meursault. Ah. Que je ne connais pas du tout, cette région. Un petit Airbnb, tranquille. Voilà, c'est ça. Avec les potes. Visite de cave. Visite de cave. Ah, et Doc, je fracasse la gueule ce week-end. Toute la semaine, je me tiens. Alors bon. Tu vas chez Coco ouais, c'est on ça, va hein. essayer, on va essayer. Ramène une bouteille. Ah bah tiens. Ah bah, hey, sans déconner. C'est un tonneau. Doc, au fait, Doc, je voulais te poser une question. Il paraît que tu vas payer un resto à toute l'équipe. Bah oui. Il paraît, ouais. Pourquoi on a ouï dire. Non mais en fait. C'est une proposition. Ce qui s'est passé, c'est que Doc a touché sa paix. Hein, et quand il a vu tout ce qu'il avait gagné, il s'est dit oh, faut forcément que je redistribue. Et en plus, il part en week-end. Alors tu vois, il a dû avoir bonbon. Sans déconner, ça fait plaisir. Toi, Alice, tu fais quoi ce week-end? Alors moi, je me fais un vrai petit kiff ce week-end. Je vais dans l'hôtel Design Secret de Paris. C'est un hôtel. Ça fait partie des hôtels les plus romantiques de France. Donc c'est un truc hyper canon. Hôtel insolite, chic. Avec jacuzzi dans la chambre et tout, gros kiff. Ok, on veut des photos. Oui, bah, je vais vous mettre des photos, mais si tu veux aller voir, ils ont un Instagram, l'hôtel secret de Paris, il y a plein de photos, et ben tu vas jalouser tout le week-end. Avec qui, puisque c'est romantique. Oh, ça, je garde le secret, j'aime bien. On n'arrête pas de me demander toute la journée, mais je vais le garder jusqu'au bout. Et c'est qui ce mec? J'enverrai des photos des parties de son corps, et on verra si quelqu'un le reconnaît. Oh putain, et ouais. Déconné. Ah, ouais, je fais un peu de mystère. Ah. Non, je rigole, je vais avec ma mère, il n'y a personne de dispo, mais. Cassim, tu fais quoi toi ce week-end? Moi aussi, je vais faire un week-end de ouf à Ikea Plaisir. Wow. Wow. Ah ouais, rayon salle de bain. Alors là, on va acheter une petite salle de bain, ça va être trop bien quoi. Putain, sans déconner, vous faites tous des week-ends de ouf. Ah putain, ça va être putain, stylé. Ikea quoi. Ah j'ai hâte. C'est génial, putain, Ikea. Tu sais qu'il y a des gens qui adorent aller passer un petit week-end chez Ikea. Mais oui, mais pas le week-end non plus. Tu passes pas le week-end en général, mais faire une sortie Ikea, c'est génial. Il y a à manger là-bas en plus. Hein. Mais oui. Et tu sais que je flippe parce que hier ou avant-hier, il y en a qui ont fini en garde à vue parce qu'ils sont à la Ikea. Ils ont, en fait, ils ont oublié de scanner en fait le couvercle de Tupperware et le vigile leur a dit hey, vous l'avez volé. Et du coup, ils ont fait plus de 3 heures de garde à vue et tout en prenant une photo. Je rappelle que la phobie de Cassim, c'est de faire de la garde à vue. À nouveau. Ah ouais. Ce qu'il en a déjà fait, ça l'a choqué, ça l'a marqué à vie. Ouais. Coco, tu fais quoi ce week-end? Bah moi, demain soir, je suis à la soirée de Mika. Ah ouais. Départ. Ouais. Ah fort. J'ai pas été invité, dis donc. On était pas au courant, les gars. Eh ben écoute. Ah bah c'est super. Soit dit en passant, c'est vrai que c'était la dernière émission de Mika aujourd'hui. C'était touchant. Hein. Entre 9h et midi, Mika c'est un ami, donc on lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Alors Méloche, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, Méloche? Bah rien de foufou, petit bain moussant avec des bulles et tout. Tous les deux? Ouais, vas-y. Ok, super. T'invite. Ah voilà, c'est ça. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Alors, moi, pour tout vous dire, parce que personne ne me pose la question. On allait te poser la question. Non, tout le monde s'en fout. On allait te poser la question. Qu'est-ce que tu fais, Karel? Vas-y, Calimero. Eh ben. Et ça lui va si bien. Je te prends juste. Non, mais en fait, moi, j'ai un week-end comme rarement j'en ai eu. Ça arrive une fois tous les ans. C'est un week-end Call of Duty Black Ops 4. Ah oui. Ah putain. Ça y est, le jeu sort officiellement demain. D'ailleurs, vous allez gagner toute la journée sur Fun Radio. Et j'ai eu la chance d'avoir une édition limitée de dingue. Mystery Box. Ouais, c'est celle qu'Alice vous a offert hier. Oui, exactement. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi aussi j'en ai eu une. Mais moi, je vous l'offre pas. Hein. Ouais. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais moi, je l'ai offert. Mais j'avais pas de play en même temps. J'allais pas m'acheter une play parce que j'avais le jeu. Donc je vous l'ai offert. Et d'ailleurs, j'ai contacté la personne par message privé sur Instagram directement. Parmi les likes. D'accord. Et eh ben franchement, bravo Alice pour ta générosité. Avec plaisir. Moi, je l'ai pas fait. On va accueillir Amélie. Amélie, 25 ans de Mâcon. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Et Doc, la Bourgogne est magnifique. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Merci, je n'en doute absolument pas. Ça fait plaisir. Amélie, tu nous appelles pourquoi, Amélie? Alors, je vous appelle parce que je fantasme sur un de vous. Ah, bien sûr. Alors, tu fantasmes sur qui? Alors, il a un joli, je dirais, petit cul, il est très bien formé, il a des jolis petits mollets, une petite barbe, très sympa, voilà. C'est magnifique, il a un corps vraiment tip-top. Ah, je vois personne, là. Je suis désolée, je crois que tu t'es trompé d'émission. Enfin, je veux pas foutre la merde, mais je cherche, il y a rien qui vient. Alors, attends, là. T'es sur Fun pourtant, Radio. Pourtant, il adore le sport, il adore ça, il aime bien monter la portion. Il est chaud au lit, il adore les fellations. J'adore les fellations. Ah, je crois que c'est pour moi ça. Hein? Ah ouais? Ça, tu fantasmes sur moi? Ah ben peut-être, oui. Non mais c'est vrai? Non parce que oui, c'est une connerie, faut me le dire. Ah non, pas du tout, c'est pas une connerie, c'est tout à fait ça. Oui, franchement, je serais à ta place, je ferais pareil. Je fantasme aussi sur moi. Et ça se manifeste plus, comment? Si tu savais des gros lolos que j'ai, tu pourrais faire plein de choses. Oh putain. Et tu sais, je vais vous dire un truc. Il y a des symptômes? Tu penses souvent à lui? Genre dans quelles circonstances tu te rends compte vraiment que tu fantasmes sur Karel? Eh ben en fin de compte, le soir, tranquille, je m'endors en écoutant votre émission et franchement, je me réveille, allez, en sueur, j'ai fait l'amour toute la nuit avec Karel. Mais c'est horrible, mais trop bon quoi. Oh là là, mon Dieu. T'as un Snapchat? Oui. Non mais voilà, je te propose peut-être de faire éventuellement connaissance toi et moi autour d'un peu avec plaisir, Karel. Alors je vais vous dire un truc. Vérité, hein. C'est-à-dire que quand on fait cette émission Love in Fun, et donc c'est vrai qu'on est amené à parler beaucoup de cul, j'ai reçu énormément de messages d'auditrices qui me disaient tu dois trop bien faire l'amour, tu parles de sexe tout le temps, j'ai absolument envie que tu me baises. Je vous assure que c'est vrai et franchement je leur prouve que c'est la réalité. Oh, voilà. Et je pense que c'est important de montrer que ce qu'on fait tous les soirs dans Love in Fun, ce n'est pas factice et qu'on peut le faire dans la vie réelle, n'est-ce pas Doc? Et tu leur dis ça à toutes? Bien sûr. Mais Amélie, moi ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Avec moi ça sera différent, hein, car T'as des gros seins, Amélie? Ah oui. J'adore ça. 95D. Tu fais quoi de tes seins généralement dans un rapport sexuel? Je peux les caresser, je peux faire des brunettes espagnoles. Ça devrait te plaire, ça. Ouais, moi j'y crois pas, elle en fait trop. Ouais, non. Ah, j'y crois pas. Non. Tu fais un sketch, Amélie? Non, Alice, je te promets que c'est vrai. Je m'assure. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, envoie une photo. Hein. Comment il se place? Je te l'envoie. Si tu veux, je t'envoie une photo de ma poitrine. Il n'y a pas de souci. Mais ta tête, c'est bien aussi en premier, non? Non, c'est bien la poitrine. Envoie une photo. Après, ok, je t'envoie mes seins. Bien sûr. C'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Ah oui. Ah ça, c'est vrai. Non. Ah bah tu sais quoi, Amélie? Doc, tu serais surpris. Non, mais on pourrait dire ça de nous aussi. On pourrait croire que parce qu'on en parle beaucoup à la radio, on n'en fait pas beaucoup. C'est ça. Et alors, que dire d'un sexologue, Doc, n'est-ce pas? Hein? Voilà, donc moi, je voulais que Doc me réponde pourquoi je fais ces rêves extrêmement torrides en pensant à Karel. Parce que tu es folle. Je suis folle. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Ça fait plaisir à l'ego. Tu t'endors avec sa voix, donc voilà. Oui, je pense que c'est ça, ouais. Il y a quelque chose certainement de relaxant, et puis ensuite il est intégré à tes rêves et tes fantasmes, voilà. Eh ben, je peux vous dire que c'est des fantasmes très très réels, parce que le matin, je m'en rappelle encore. Eh ben écoute, content de te faire mouiller. Je te fais des gros bisous. Des gros bisous, et puis également à toute l'équipe, et puis coucou, franchement, tip top ce soir. Hein. Ah voilà, tu vois, il y en a déjà un autre. Ah bah voilà, c'est aller vite. Ah non, vite, hein. Du tout, non, ça restera Karel, de d'accord. Toute façon, et voilà. Alors mon et mail. Bonsoir à Maxime également. Attends, mon mail c'est karel@funradio.fr. Voilà. D'accord, et je t'envoie tout ça, ne t'inquiète pas. Super, merci beaucoup Amélie. Hein. Merci. Gros bisous Amélie. À vous, bonne soirée. Bisous. Bon week-end. Merci Alice. Mais bon week-end, Amélie. Tu viens de donner ton mail à l'antenne et j'espère vraiment que tu vas recevoir plein de photos de tub. Voilà, c'est juste que je viens de le placer parce qu'en général, tu t'attends à recevoir des photos de boobs, mais c'est que les mecs qui t'envoient les tubs, tu vois. Donc j'espère que tu vas en avoir un. Bien sûr. Alice_funradio sur Instagram. Moi, bon, je reçois déjà tubs. Les tubs. J'ai un album photo, moi. Une question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Marc, juste avant de retrouver Adrien Thomas, Lumberjack ce soir en interview, en DJ set, ça va être énorme. Restez bien avec nous. Marc, bonsoir Marc. Ouais, bonsoir toute l'équipe. Salut. Salut. Bonsoir Marc, tu nous appelles pour acheter un nouveau téléphone peut-être? Entre autres, ouais. Entre autres, tu sais que tu peux le gagner sur Fun Radio avec le double fun de Martin Garrix en ce moment. Oui, je connais toutes les opérations de Fun Radio. Alors, Marc, qu'est-ce que tu veux nous poser comme question ce soir en direct de la Belgique? Ah, bah une question hyper con. Oui? En fait, j'ai ma femme qui m'a refusé de me faire une fellation parce que j'étais en fin de gastro et qu'elle voulait pas avoir mes microbes. Donc, je voulais savoir si je pouvais attraper une maladie qui est autre que MST ou IST en faisant une fellation. Alors... non, tu nous mets mal à l'aise. Franchement, tu nous mets mal à l'aise. Enfin, on se le dit, on se regarde tous dans le bordel. Tu nous mets un peu mal à l'aise, Marc, c'est vrai. La gastro, tu peux l'attraper surtout par les mains et par les postillons. Alors, si elle arrive à te faire une fellation. Et qui crache, sans les mains et sans salive, bon, voilà. Mais la tienne, en tout cas. Hein. Marc, c'est beau de terminer par un auditeur comme toi et une question comme toi. J'ai une question, Marc. Comment, alors que t'as une gastro, que t'es en train de te vider, t'as envie de te faire pomper? Enfin, tu vois, il y a un moment, ça c'est la question que je me pose. Bah, c'est la fin, donc je me vide plus vraiment, quoi. Il n'y a plus rien à vider. En fait, je sais pas pourquoi je t'ai posé cette question, Marc. Je suis désolé, je retire. On t'embrasse fort, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Salut, mon Marc. Bisous. Salut, gros bisous. Et c'est Maxime qui va terminer cette émission. Il est temps d'arrêter. Maxime est avec nous, 19 ans de Paris. Bonsoir, Maxime. Bonsoir. Oui, on dit bonsoir tout le temps ici dans cette émission. Maxime, c'est le moment pour toi de nous dire tout ce que tu veux en direct dans toute la France. On t'écoute. Dans toute la France? Tu sais, juste dans toute la France, ça fout la pression. Mais non, je vous remercie en tout cas à toute l'équipe de m'avoir accueilli ce soir. L'annonce pour l'entreprise est toujours valable, hein. Absolument. Et alors, il y a eu quelques numéros de téléphone, mais on attend de vérifier un petit peu. D'accord. Et puis surtout, on veut du sérieux avant de te filer les coordonnées. Donc on va se renseigner sur certaines demandes pour toi, Maxime. Et tu veux terminer par une petite dédicace, j'imagine. Oh, dédicace à vous. Eh ben merci beaucoup, Maxime. Merci. On te fait une grosse bise. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Salut. Ok, ça marche. Salut Maxime, ciao à toi. Et on va se retrouver donc dimanche soir en direct sur Fun Radio. On vous souhaite un excellent week-end. Et là maintenant, c'est Adrien Thomas. Il est où, Adrien? Il est là. Il est caché au fond du studio. Ouais. Hein, ça va? Ce soir, une émission exceptionnelle. Ah ouais, ce soir. Il y a de l'invité, du guest. Exceptionnel. C'est les Lumberjacks qui sont de retour dans Paris. Applaudissements pour Lumberjacks. Vous, alors, je vous rassure, ils me font le même truc tous les soirs. Hein. Voilà, c'est non, mais voilà. On aime applaudir. Non, mais voilà, vous êtes des artistes, les amis. C'est vrai. Hein, on applaudit les artistes. Eh ben, absolument. Donc, important. Je t'applaudis. Mais, moi, je suis un saltimbanque. Bravo. Mais merci d'avoir applaudi. on était là, dehors, tout à l'heure, et il y a les Lumberjacks qui me disaient Karel, il n'a pas du tout la même voix dans la vraie vie qu'à la radio. Et c'est vrai que quand on t'entendait parler là dans le studio, et en fait, on a un petit décalage quand on est en dehors du studio, dans le couloir. Et c'est vrai que les traitements de son aident beaucoup, quoi. Tu veux dire que j'ai une voix de merde, c'est ça? Il a une voix plus aiguë, je trouve, à la radio que dans la, justement, en dehors des studios, non? Enfin, je sais pas. Alors c'est moi qui pète un câble, mais je sais pas. Je trouve que t'as une voix plus aiguë, non? Je sais pas. Je n'aurais pas dû m'en. Mais peut-être. Écoute, c'est peut-être dans les. Il faudrait peut-être remonter un petit peu sur l'EQ dans les 20 Hz pour peut-être être sûr d'avoir des fréquences qui correspondent un peu plus. C'est un langage trop technique pour moi. Il est temps de vous laisser. Qu'est-ce qui va se passer ce soir, Adrien? Ce soir, on va parler alors de plein de choses parce qu'ils ont beaucoup d'actu. Ils reviennent d'Ibiza. Il y a plein de morceaux qui vont sortir. On va discuter de ça avec eux pendant. Pendant une heure sur Fun Radio, donc restez là et je lance tout de suite le Facebook Live sur la page Party Fun pour suivre ça en live. Voilà. Éclatez-vous, profitez, Party Fun, Lumberjacks comme invité. Bon week-end à tous. Et à dimanche. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Party Fun. Party Fun sur Fun Radio. Party Fun. L'invité de la semaine. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Adrien Thomas. Super content de vous retrouver en direct jusqu'à 1h du matin comme tous les soirs. Bienvenue dans Party Fun, cette émission où il peut se passer n'importe quoi avec n'importe qui, j'allais dire. Mais c'est vrai que je reçois des DJ presque toutes les semaines. Et j'ai eu Black Coffee qui était là il y a quelques jours, Petit Biscuit qui était là hier soir.